vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis nous parlera du plus récent numéro du journal Zone Campus. On célébrera le retour de Marie-Pierre Laforge-Bourret avec une chronique cinéma et on se procurera des produits jetables dans 5-10, mais ça devrait pas là. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 6 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau ce matin. Ben oui. Ça va bien? Ben, ça va très bien, toi, Mathieu Plante. Très, très bien. Tu passes déjà l'émission du mercredi avec moi, d'habitude, avec nous, en fait. Ben oui. Et là, tu montes d'une coche. Ouais, là, j'ai remis les gros souliers de co-animateur. Les gros souliers de Jean-Philippe Charbonneau, il y a des grands pieds. Non, on sait pas, en fait. J'ai jamais remarqué ses pieds. J'ai jamais vraiment regardé ses pieds. Faudrait demander, hein? Je regarde pas vraiment les pieds des gens, de toute façon, dans la vie, en général. T'es pas une fétichiste de pieds? Non, pas du tout. Une piétichiste. Une piétichiste. C'est pas ça. Tu vas nous présenter ta chronique Zone Campus à 7h30 tantôt, entre autres. Oui. Entre autres. Écoute, le nouveau numéro de New Edition. Il est number. Sorti hier. Oui. De peine et de misère, mais il est sorti hier quand même. Hein? De peine et de misère. Oui, il était dur à accoucher. Ben, c'est ça. C'est. On n'a pas eu de péridurale non plus. Fait non, que la piqûre. C'est tabarouette. Mais vous avez la piqûre journalistique. Oh. Ou une autre phrase cute de même. Veux-tu m'aider à accueillir Marie-Pierre? Ben, pourquoi pas? Hey, bon matin, Marie-Pierre. Bon matin. Ça va? Oui. Je commencerai avec une petite anecdote. Tantôt, okay. J'ai été porter mon manteau et mes bottes dans ma case de l'université. Et il y avait des gens qui faisaient des réparations. Et quand ils m'ont vu, mais ils n'ont pas compris pourquoi j'étais là. Ils ont dit « Oui, mais c'est pas la semaine de relâche. » Oui, oui, c'est la semaine de relâche. Il n'est pas 7h moins quart. Il était 7h moins quart. Il était un peu perplexe. Bizarre. Oui. Effectivement, c'est assez vide n'importe quand dans l'année à 7h moins quart. Mais là, en plus, pendant la semaine de relâche, c'est assez désert. Ouais. Je leur ai dit qu'il n'allait sûrement pas voir d'étudiants avant un bon 8h encore. À peu près. Sur l'heure du midi, ça devrait commencer à arriver pour étudier un peu, semaine de travaux et d'études. Ouais. Mais le pavillon de Ribeauchemin est le pire pavillon côté population étudiante en ce moment. Là, c'est mort. Bon, au moins, on a la chasse-galerie. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui est le plus attrayant pendant la semaine de relâche. Toujours, ben, c'est attrayant en tout temps, la chasse-galerie. Plug! Non? Mais surtout la semaine de relâche. Où sont nos cafés gratuits? Je les vois pas, Faudrait des barres à la porte si on veut qu'ils arrivent. Hey, parlant de barres à la porte, avez-vous remarqué, c'est la première journée que je remarque ça et j'ai pas posé de questions et je sais même pas de quoi je parle, là. Mais dans le corridor de la GE, il y a une porte qui est barrée avec, tu sais, comme l'affaire qu'on met sur les autos qui doivent pas partir, ils mettent une botte de je sais pas quoi, là. Ouais, c'est... Un bloc volant, là. Ouais, rouge, là, avec un canon. Pas un bloc volant, un bloc roux, là. Ouais, ouais. Un bloc roux. Mais non. Un bloc roux, OK, pas roux comme mais ça, en plus, c'est pas infaillible, hein. Mon frère s'était fait voler sa voiture. Les gens avaient tordu ça. Hein? C'est en métal. Waouh! Je sais pas qui a volé sa voiture, mais. Probablement Hulk. Ouais. Oui. C'est ça. C'est ma seule option. Évidemment, quand on parle Hulk, là, c'est Charles Hulk. Non, tu sais, quelqu'un qui s'appellerait. Monsieur Hulk. Un prénom composé, là, c'est ça. Charles Hulk, quelque chose. Bref, hey, Marie-Pierre Laforge-Bourret qui est là pour sa chronique qui va nous faire en fait vers les 8h tantôt. Oui. Quel genre de chronique tu nous présentes? Comme tu l'as dit tantôt, c'est une chronique cinéma, mais encore... Plus que ça. Je vais vous parler de deux films de deux mêmes réalisateurs. Wow! Ça va être une double... Double edition. Double edition. Est-ce qu'il a fait les deux films en même temps? C'est un gars productif. Non, mais... Un de la main gauche, un de la main droite. Tout en cassant une affaire de botte de char. Avec un même acteur dans les deux films en même temps. Wow! C'est impressionnant, donc non, à 8 heures. Mais, oui, je vous parle de deux films que j'apprécie particulièrement. Puis, vous êtes en semaine de relâche, les auditeurs. Ils ont le temps. C'est un devoir d'écouter ces films-là. Un devoir, hein? Tu ne vas pas avec le dos de la main morte, là. Non. Hein? Voilà. donc, à 8 heures, la chronique. Ouais, le dos de la main morte. T'aimes pas ça? Non? C'est pas un péronisme. Oui, j'aime ça. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que je dis avec ça? Oui, chronique qu'on appelle, nous, la chronique, etc. Mais c'est pas vraiment le nom de la chronique. Là. Tu peux trouver un autre nom si tu veux, mais on appelle ça la chronique, etc. Parce que c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret, Marie, etc. Hein? OK. Ben, je peux trouver un autre nom, là. Laissez-moi y réfléchir, là. Mais en attendant, ça va, là. Parfait. Et tu peux pas me blâmer parce que j'ai enlevé les clochettes de ton thème, donc... Oui, absolument. Je peux maintenant compenser en appelant ça. Oui, parce qu'avant, il y avait toujours, pendant ma chronique littéraire, il y avait des clochettes pendant la musique, comme si j'étais une fée. Puis je suis pas une fée. On l'appelle la fée clochette. On l'appelle la fée clochette. Elle n'appelle pas ça. La fée des livres. La fée des livres, c'est vrai. Je ne suis pas une fée. Bon. C'est voilà. Dit, hein? C'est dit. C'est dit. Prenez-en note. Autour de ça, parce qu'il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste des filles dans l'émission d'aujourd'hui. La seule émission où il y a des filles le mercredi de ces temps-ci. Ben, Girl Power. Yeah! Yeah! Mais ça va changer parce qu'on va avoir une journée plus fille le jeudi dorénavant aussi. Ah, ben, tant mieux, il faut mettre un peu de féminité. On va étendre les filles un peu partout dans la semaine. On va en avoir à tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'Alexandra est là le lundi. Quand je repense à mon affaire, il y en avait déjà pas mal à tous les jours. Hein? Pas bon dans la chronologie des choses. On s'en fout du bain. Commençons l'émission avec Sex, mais ça devrait pas, on l'a tantôt. Pour l'instant, en musique, un choix de Stéphanie. Hôtel Morphée. Oui. Oui. C'est quoi le titre de la toune, donc? Histoire de fantômes. Je vais demander à la co-animatrice des Palmarès, c'est fou. Attention, on appelle Stéphanie Paradis, rangée 1. Stéphanie Paradis, rangée 1. Elle est encore dans son lit. Oui, il est très tôt encore. C'est des histoires de fantômes. Bon, c'est ça que j'ai dit. Assemblage requis. Jusqu'à 9h. Et c'était Young Rival avec Two Reasons. Tu t'es lancé un coup de micro dans la face. Poink! Mais écoute, tu m'as un peu pris ou dépourvu. Ben oui. Présente la toune. Ah! J'essaie de t'inclure en tant que co-animatrice officielle aujourd'hui en remplacement de Jean-Philippe. Ah, oh, c'est stressant. Super. Avant d'entendre Hôtel Morphée et des histoires de fantômes. Hey, mais, ça aussi, c'était bon. Mais Young Rival, c'est vraiment très, très bon. Rien ne peut rivaliser avec eux. Rien ne peut rivaliser avec eux. Ben, on les a vus en spectacle, moi et Stéphanie, il y a à peu près, quoi, 3 semaines? À peu près, là. Et c'était au point où je voulais sérieusement marier le chanteur. Et... La demande est faite sur Facebook. Oui. D'amitié ou de mariage, on ne sait pas. Ah, de mariage directement. En même temps. S'il y avait un bouton sur Facebook, genre, veux-tu me marier? Ah, ce serait cool. À côté comme sur le réseau contact, il y a, tu peux peser sur un petit bouton, est-ce que tu veux discuter, est-ce que tu veux flirter? Et là, maintenant, il va y avoir le bouton, est-ce que tu veux te marier? C'est beau, hein? C'est quand t'es direct dans la vie, là. Pourquoi, pourquoi passer par 4 chemins quand on sait ce qu'on veut, hein? Tour de chapeau, analogie de hockey. Mais sérieusement, Young Rival, ils reviendront probablement pas à Trois-Rivières, là. Ils vont devenir plus grands que ça, ils vont être au-dessus de nous autres bientôt, là. Je sais pas, mais leur album est excellent du début à la fin. Superbe. Rien d'autre à dire. Voilà. Tiens, quand tu lui demanderas de te marier, officiellement peut-être, plus dans la vraie vie, tu pourras lui offrir peut-être certains cadeaux. Là, on va pouvoir t'offrir un cadeau de mariage, là, comme on fait avant le mariage. Là, on leur donne des cadeaux. Et puis ça, bon, on les achète dans la chronique, ça, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique des gadgets complètement ridicules et inutiles, mais qu'on aime se procurer parce qu'on aime ça dépenser pour rien dans la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Commençons par une souris qui lévite dans les airs. Pas pire, ça, une souris qui lévite, pourquoi pas? Donc, c'est ce qu'on appelle la The Bat, donc la chauve-souris, si on veut, qui flotte à 40 mm de sa plaquette lorsqu'elle n'est pas utilisée et redescend à 10 mm sous le poids de ta main qui est supposée peser... Je sais pas, ça dit 2,2 livres. Est-ce que ça se peut que ta main pèse 2,2 livres? En tout cas, bref, tu l'utilises comme une souris normale, et c'est à peu près ça. C'est un projet par Kilbarden Design, supposément en train d'être testé en ce moment. On sait pas si ça va se présenter sur le marché un jour, mais quand même, il faut aller voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est vraiment une souris qui flotte. C'est merveilleusement inutile, c'est beau. T'sais, ça a tellement pas l'air confortable en plus. C'est comme c'est exactement ce que je me disais. C'est un peu comme une forme un peu bizarre. Ça ressemble à la Arc Mouse, là, la souris de Microsoft, là, qui est vraiment juste une courbe. Là. Un genre de demi-cercle. Aucune idée. Yeah. Vous connaissez les souris? Moi, j'ai les magazines, j'en achète une par année, puis je suis jamais satisfait. Mais là, je pense que t'es satisfait de ta souris présentement. Celle que j'ai en ce moment. Ben oui, j'ai acheté la Magic Mouse d'Apple. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Moi, je pense que dans le cas des moyennement pour, je suis satisfait. Ben moi, j'ai la version de Microsoft qui est semblable à celle-là dont j'ai totalement oublié le nom. La Touch Mouse, je crois. Ouais, c'est ça. Finalement, au début, j'étais sceptique, mais finalement, j'aime bien ça. Ouais. Ça va bien. Mais elle n'est pas aussi précise que la tienne d'Apple, étant donné que toi, c'est une Bluetooth, je crois. Oui, exactement. Moi, c'est pas une Bluetooth, donc c'est un petit peu moins précis, mais je suis quand même satisfaite. Je fais rien de très extravagant, donc... T'es une utilisatrice standard Facebook Outlook.com. Outlook. Je voulais dire Hotmail, mais je me suis dit, ça n'existe plus. C'est bon, tu t'es adapté. Oui, ça existe encore. Ouais, c'est pas pour longtemps. Ça va devenir Outlook.com pour tout le monde bientôt. Là. Non. Ça veut dire que je vais tout perdre mes messages? Non. Okay. Ben non. Phew! Sauf que tout va être beaucoup trop bleu. Juste une couleur pour Microsoft. Hein. Bleu! Ah! Ils imposent le bleu. Ça va aller dans le cimetière des trucs technologiques, un peu comme MIRC, là, toutes ces choses-là. Non, ça existe encore. Ça existe encore. J'en ai parlé la semaine dernière. ICQ aussi existe encore. Dans certains pays. Ça ressemble un peu à un genre de Skype. Oh! Et il y a des applications pour téléphone intelligent. Ouais. Merveilleux, hein? Ouais. MIRC, c'était donc le fun, hein? Tu sais, tu vas dans le groupe de Joliette, là, quand tu viens de Joliette. Puis là, ouais. Tu viens de Joliette? Ben, presque. Ouais. Presque. Non, mais un village à côté, mais non, c'est ça. Ça me que de beaux souvenirs, hein? Moi qui comprenais pas ça voulait dire quoi à SB la première fois, il avait fallu que je demande à ma meilleure amie. J'étais comme, tu comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent? Ben oui, c'est compliqué quand t'arrives la première fois sur les chats, quand t'es jeune, tu comprends pas trop toutes les abréviations. Là, tu te dis, c'est peut-être une face de côté, je vais la regarder de côté. Mais c'est pas ça du tout. Dans le temps, tout était de côté. Fait que tu regardais de côté. Ouais, c'est ça. Le début des émoticônes. Là. On animait la radio sur le côté, man. C'est bon. On voit pas à la radio hein, quand je me penche. Oui, mais on a toute la tête penchée. Là. Écoutez la radio sur le côté, là, c'est pas mal plus drôle. L'émission est pas mal plus bonne. Plus meilleure. Plus bonne, meilleure. C'est ça que je voulais dire. Je parle mal ce matin. Allons-y avec un autre gadget inutile. Si vous avez un téléphone intelligent et que vous voulez le mettre sur un trépied, tu sais, des fois, un appareil photo, tu mets ça sur un trépied, t'as une petite prise vissable, tu vis ton appareil photo. Ton téléphone intelligent n'a pas de prise à trépied. Donc, il te faut ce petit gadget-là. Est-ce que ça a un nom? Ça peut avoir de nom, mais c'est pas grave. Bref, c'est une affaire que tu branches dans la prise d'écouteur et ça donne une prise à vis. Et ensuite, tu vis ton appareil dessus. Pas pire, hein? Ben, c'est cool, quelqu'un qui a pas d'appareil photo. Ben oui, c'est très, très cool. Par contre, c'est pour ceux qui ont un iPhone 5 et plus ou n'importe quel autre appareil qui a la prise d'écouteur en dessous parce que les anciens iPhones avaient la prise sur le dessus. Oh! Donc, tu aurais ton téléphone à l'envers. Mais bon, ça s'appelle le Jackpod. Jackpod. Mais je pense que tu peux prendre des photos sur le côté. Oui. Tu sais, je veux dire, même si tu le branches sur le dessus, tu peux quand même pencher ton iPhone. Je pense que oui. Et ça coûte seulement 10$, donc ça vaut la peine d'être essayé, le Jackpod, pour prendre des photos sur un appareil intelligent. Ensuite, est-ce que vous mangez des marshmallow peeps, les filles? Tu sais, des petits poussins, là? C'est des guimauves. Ah. Avec de la couleur dessus, c'est des petits poussins. Ouais, que tu manges? Ouais. Non? Non. J'ai mangé ça une fois, puis c'est toi qui m'en avais donné un. C'était vraiment bon, à vous. Des marshmallows de couleur, par exemple. Oui, des tout petits, là, oui. Mais pas des poussins. Il n'y a rien qui bat les petits marshmallow peeps là, qui ressemblent. Peut-être que ça pourrait attraper quelque chose, ça ressemble à ça. Là. Des petits poussins jaunes là, de marshmallow. En tout cas, bref. Non, ça ne dit absolument rien. Je suis désolée, Mathieu. Ils se font en forme de toutou maintenant, les plush peeps. Pourquoi pas 100 calories, ça? Zéro calories. OK, sans S-A-N-S. Merci, oui. OK, donc, je pensais 100 calories par petit guimauve. Wow! Non, c'est 100 calories par toutou. Un toutou à 100 calories, ça vaut pas la peine. 3 pouces de haut chaque, donc beaucoup plus gros qu'un vrai marshmallow peeps. Et ça vient en paquet de 4, comme les vrais, là, dans un emballage qui ressemble pareil, là, en carton. T'as des poussins et des lapins. Plush peeps, donc vous pouvez procurer ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a tellement de mots de passe, d'adresses courriel dans la vie, de problèmes. C'est un problème de se rappeler de chaque mot de passe. Là. Il te faut cette clé USB-là où tu peux mettre toutes tes affaires vraiment personnelles. Et il y a un truc pour mettre son empreinte digitale sur la clé USB et ça va débarrer. Ça s'appelle My ID Key. C'est activé par la voix même. La clé USB où tu peux mettre tes données, accéder à toutes tes informations privées juste en mettant ton doigt dessus, puis scanner biométrique, etc., etc. C'est présentement en funding sur Kickstarter. Donc, vous pouvez donner de l'argent pour espérer que le projet se rende à sa barre, là, comment t'appelles ça, à son but. C'est 99$ le pledge minimum pour peut-être un jour avoir votre My ID Key. Ça, j'aimerais vraiment ça. Moi, je suis un peu fan de CSI. Là. Oui. Il me semble que je me sentirais importante. J'ai pas grand-chose de super important à cacher, mais je peux m'imaginer que... Il y a un côté pratique aussi. Par exemple, tu perds ta clé USB, ben personne ne peut voir tout ce qu'il y a dessus. Ouais. Il y a juste toi qui peux voir. Vrai. Donc, si tu as des photos de toi-même nu, c'est sur cette clé-là que tu dois les mettre. Mais non, ris pas. J'ai une amie au cégep, elle avait perdu une certaine clé USB, puis il y avait des choses compromettantes dessus. Elle était un petit peu sur la panique, je dirais. S'il fallait que je perde mon ordinateur où il y a des photos du bain de neige, Marie-Pierre Lafourche-Bourret est dessus en maillot de bain... C'est pas tant grave. T'sais, j'étais déjà en maillot de bain au bain de neige, là, comme c'était mille public. Autres personnes. Il y avait un paquet de pervers sur le côté qui prenait des photos. Mais... Mathieu. C'est pas moi qui prenais des photos. C'est Stéphanie. Stéphanie était ma complice pervers. Moi, je faisais ça de façon professionnelle. C'était pour le journal. C'est ma job chez Infographe. C'est moi qui vais placer les photos. Il faut que je sache comment tu les as pris. Il a fallu que toutes tes voix pour choisir la meilleure. C'est ça. Et qu'il allait fitter. Ouais. Voilà, c'est pas ma faute du tout. Non. Donc, My ID Key est le nom de l'appareil. C'est gagnant de 3 prix au dernier CES, le Consumer Electronics Show. Ça vaut la peine. Il y a des bonnes chances que Mathieu, ça sorte comme ça. Flash ça de ton ordi. Non. Non. Le prochain, vous aimez les tacos, hein? Tacos? Oui. Je parle pas aux États-Unis, tacos, des fois, c'est un euphémisme pour un vrai. Mais là, c'est pas de ça que je parle. Ah, moi, je pensais plus taco, une vieille voiture, une minoune. Aussi, il y a tellement de définitions pour le mot taco. Mais non, ici, c'est littéralement un taco qui se mange. Encore une fois, ça n'élimine juste un dans le groupe de trois qu'on vient de dire. Mais bon. Cord tacos, c'est plus utile qu'un vrai taco parce que c'est pour réussir à mettre vos fils, tu sais, vos fils d'ordinateur, mettons. Tu places ton fil, tu le fermes, tu le mets en petit paquet, en petit mouton. En petit paquet, un autre euphémisme encore, je vais arrêter. Donc, tu prends le taco et il y a un snap sur le taco. C'est comme un genre de cercle, OK? Et tu le fermes en deux comme un taco et t'as un snap, donc tu vas pouvoir faire tenir ton fil. Mais c'est vraiment laid. C'est pas très bon. C'est fait de cuir et ça ressemble pas du tout à un taco. Mais ça a la forme. Ça a mais la forme. Honnêtement, j'aurais pu me faire quelque chose à la maison moi-même avec un bout de tissu et avec un vrai taco et de la salsa pour faire tenir le joint. Non, ah, mais si ça ressemble pas vraiment à un taco, il n'y a raté. Pas d'intérêt. Non, ça avait pu être la couleur de taco avec la texture de taco. Il aurait même pu mettre des petits dessins de garniture. Des tomates. Ouais. Guacamole. Donc, c'est pour un paquet de 5, 2 grands et 3 petits. Ça coûte 25$, ce qui est beaucoup plus cher qu'un vrai taco, incluant la viande. Fait que je suis pas sûr. Ensuite, on aime tous les livres à colorier. On est tous jeunes de cœur. Marie-Pierre trippe. Déjà, elle faisait du coloriage tout le long de la chronique. Là, on la voit même pas dépasser des lignes. Effectivement. Je suis très douée. Dans tout. Donc, Smexy Adult Coloring Books, c'est des livres à colorier pour adultes. Et là, on voit un jeune homme, torse nu, un cow-boy avec son cheval. Et vous pouvez dessiner. Sinon, il y a une femme avec un gros taco, premièrement. Et des gros melons. Tu peux tout colorier. Ça, c'est beau, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Pour vrai, j'adore colorier. C'est une bonne idée. Mais pour vrai, ce que je trouve dommage, c'est que ce qui est le moins agréable à colorier dans la vie, c'est la couleur peau. Et il y a vraiment beaucoup de peau. La couleur pêche, je pense qu'on dit dorénavant. Le peau, c'est raciste. Quoi? Couleur pêche. Ben, mais là, couleur peau, c'est parce que tu fais si les gens avaient toutes la même couleur. Ah, mais non, couleur peau caucasien. Mais oui. Présent, couleur peau. Est-ce que t'as couleur peau indo, tu sais? Puis, hein? Faux outrage. Couleur pêche, dans ce cas. Faux outrage. Je m'excuse. Je vais pas interrompre ton Bref, anecdote. Bref, tout ça pour dire que c'est désagréable colorier la peau parce que c'est toujours des couleurs qui fonctionnent pas avec des crayons de bois. Donc, Mais qu'est-ce que tu fais avec ces coloriages-là? Quand est-ce que tu fais ça? Moi, c'est la question que je me pose. Tes affiches sur ton frigidaire. C'est un vendredi soir, t'as pas grand-chose à faire, tu fais une page de coloriage de gens à demi-nu, puis tu le mets sur ton frigidaire. Ben oui. Chacun ses passe-temps. Sinon, tu sais, à la place, si vous êtes en couple, coloriez donc votre ami de cœur directement avec du chocolat et de la crème fouettée. Hein? Hey, la première image, là, le gars, ses mamelons sont pas égaux. Bon, ben, hey, qui es-tu pour juger, tu sais, de l'apparence physique, créée par... Ah, mais c'est un dessin. Ouais. L'artiste d'Etsy s'appelle Scarlet Tentacle. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Allez voir des mamelons par bonne hauteur. T'es sélect, toi. Sélective. Ensuite, on aimerait tous nager dans l'eau avec un peu comme un écureuil volant, le frais, mais sous l'eau. Tu sais, un écureuil volant, vous savez, ça a un genre de... Ça a des... comment t'appelles ça entre ces... De la peau de bras. C'est comme des capes de super-héros. C'est ça. Bref, les écureuils volants font ça. Mais dans l'eau, on peut avoir la même sensation qu'un écureuil volant avec cette chose-là qu'on achète. C'est un wetsuit avec des membranes. Des membranes, c'est le mot que je cherchais. Pour voler sous l'eau. C'est pas joli, ça? Ben, c'est vraiment cute. Pour vrai, je sais pas combien ça coûte, mais ça a l'air le fun. Ça doit être vraiment dispendieux. Quelques-uns rapidement, on aime tous péter des bulles. Dans les paquets, lorsqu'on sent un paquet, là, ouais. On pète les bulles. Ben, malheureusement, celui-là a l'aspect des bulles, mais sans pouvoir péter les bulles. Donc, c'est un petit peu. Ça vient de défaire l'avantage de Poppin' Hot Oven Mitt, qui est vraiment un gant qu'on utilise pour le four et qui est à l'épreuve de la chaleur, etc. etc. Excuse-moi, Marie-Pierre, je t'appelais pas. Quand j'ai dit etc. Oups. m'étais pas reconnu, inquiète-toi pas. Parfait. Je suis pas habitué à ce nom-là. Un jour, elle se revira à chaque fois qu'on dira etc. Donc, c'est ça, c'est un gant pour le four pour faire cute, hein? C'est le moyen, je trouve. Cute, honnêtement, j'ai l'impression que la personne s'est brûlée qui est pleine de cloques de brûlures. Mais ça coûte juste 19$, c'est pas cher. Ben, si ça fonctionne. Ouais. Si vous connaissez des gens qui ont de la misère à utiliser leurs mains, qui ont peut-être un handicap moteur et qui doivent utiliser leur bouche avec un stylet dans la vie, donc c'est le Griffin Mouth Stick Stylus, qui est du caoutchouc conducteur. Qui va être utilisé dans la bouche sur n'importe quelle interface tactile et c'est pliable en plus, donc ça peut vraiment être utilisé à n'importe quel angle. C'est par la compagnie Griffin, c'est libre de tout BPA et autres choses nocives. Voilà pour la bouche et le mouth stick vient d'être annoncé, va être disponible au printemps pour un prix de 30$. Donc pour les personnes handicapées, un petit stylet flexible. C'est cool, parce que honnêtement, ça devait pas être agréable de prendre un stylet de la longueur standard, si on veut, là, mais ils se penchent. Déjà, ils sont handicapés, il faut qu'ils mettent dans le dos en plus. Hey, hein? On n'est pas gâtés des fois dans la vie. On parlait de barrer des choses précédemment dans l'émission. Ici, on peut barrer une extension ou n'importe quel fil électrique. Et donc, ça s'appelle le Stopower Power Plug Lock, qui fonctionne dans n'importe quel truc avec trois tiges, là, à trois tiges, et même les deux tiges, je sais, qui sont pas protégées avec mise à la terre. Et c'est même un cadenas dessus. Donc, t'as pas de clé, mais tu peux pas regarder la télé. C'est cool, hein? Ça empêche les enfants d'utiliser ces affaires-là. Les appareils électriques. Ou si vraiment si t'es chicané avec ton chum, tu veux le punir, là, tu peux bloquer la télé comme ça. Moi, je trouve ça très drôle. Ou son portable. Ou n'importe quoi. Son iPhone, tout fonctionne. Tu branches ça et puis tu mets une clé. Ensuite, tu sais, le Roomba pour nettoyer les pièces de la maison, c'est le petit robot qui fait toutes les pièces, qui fait les coins ronds, etc., qui fait le ménage de presque, mettons, du trois quarts de la pièce, puis le reste, arrange-toi. C'est la même chose, mais pour ton iPhone ou pour ton iPad, un robot qui nettoie tes appareils électroniques. C'est le Otomi S par Takara Tomy. C'est vraiment un robot nettoyeur d'écran. Pareil comme un Roomba. Allez voir la vidéo. Ça coûte 21$ plus les frais d'envoi du Japon directement. Appareil, ça, 100% inutile, c'est sûr. C'est tellement drôle. C'est vraiment beau. Mais à ce qui paraît, la balayeuse, ça a des inconvénients. Je connais quelqu'un, je me souviens plus qui m'a raconté ça. Je suis désolée, j'ai pas ma source. Mais journaliste. Oui. Mais non, la personne avait raconté que elle avait laissé la machine partir donc pour nettoyer la pièce, pour passer la balayeuse. Et la personne était partie. Et au moment où elle a voulu rentrer dans sa maison, le robot était comme pogné derrière la porte. Puis la personne ne pouvait plus ouvrir la porte, comme dans le coin. Mais elle n'est pas supposée tourner, se recharger, genre, ça ne va pas se retourner. Il y avait eu un petit problème, fait que je pense que la personne avait passé par la fenêtre. Il n'y avait pas le choix, elle pouvait pas ouvrir la porte. Hey, les robots mènent notre vie, là. Oui, vraiment. Moi, ça commence comme ça. On a passé de nos chiens qui mènent par le bout du museau. Nos Roomba gèrent. En tout cas, ouais. Ensuite, un journal intime ou un agenda, je dirais que c'est comme entre les deux, mais qui est vraiment bien fait. C'est à l'intérieur d'une couverture rigide, t'as un calepin de papier. À l'intérieur du calepin de papier, au centre, t'as un cercle de, je dirais, peut-être, 5 cm carrés de diamètre, mettons. Et tout ça est perforé d'un bout à l'autre du calepin. Et autour du cercle, t'as une horloge. Est-ce que vous me voyez venir? L'horloge est divisée en sections et les sections sont marquées sur chaque page du calepin ainsi que sur la couverture. Donc, quand tu fermes le calepin, t'as l'horloge qui transparaît, ou en tout cas, bref, autour à l'intérieur du cercle. Et quand tu ouvres sur le calepin, c'est défait en genre de cercle avec des lignes. Donc, tu peux écrire tes rendez-vous, mettons, entre midi et 100 et quart, mettons. Tu vois, la pointe de l'horloge est dessinée en extrapolant à partir de l'horloge au milieu du calepin. Ça a pris du temps à comprendre, mais oui. Je sais pas s'il y a une meilleure façon, Stéphanie, mettons, pour les gens qui comprennent pas. Non, parce que honnêtement, j'ai de la misère à comprendre moi-même et j'ai l'image. Imagine un graphique en pointe de tarte. Oui, mais j'imagine, chaque journée a une page, puis l'horloge transparaît. Donc, tu inscris tes rendez-vous de tous les jours, de toute ta vie dans le carnet. Oui. Tout compris. OK. On s'est rendu, bravo, et c'est vraiment très très beau, très bien fait. Vous pouvez voir la journée au complet d'un coup sec. Vous allez savoir où sont vos rendez-vous dans un graphique. C'est très très mathématique, je trouve, c'est professionnel, j'aime ça. Mais ça marche juste sur 12 heures. Ouais, mais ta journée, est-ce qu'elle va vraiment durer au-dessus de 12 heures? On a fait 11h30 hier, c'était pas pire. Non, mais pas nécessairement, mais je veux dire, si par exemple t'as quelque chose à midi puis que t'as quelque chose à minuit. J'avoue. Mais tu peux pas faire le tour. T'as-tu contour autour de la page? Tu l'écris, mettons, un peu avant, puis tu fais avec, tu écris à telle heure, c'est ça. Oui, mais admettons, tu sais que tu as quelque chose à minuit, tu l'écris dans la case 12, mais tu as quelque chose à 1h l'après-midi. Donc là, est-ce que tu sais, est-ce que c'est à midi ou à minuit? Stéphanie, des fois, ça tu t'enfarges dans les fleurs du tapis, là. Mais moi, j'essaie de rendre ça le plus facile à interpréter possible. Et moi, je serais mêlée. Mais habituellement, ce que tu fais à minuit, tu le fais pas à midi. Ben, c'est pas le même genre d'activité. Hein? Non, c'est vrai, sait ça? Pas. Donne-moi un exemple. Ben, aller prendre une bière. Ça peut arriver à midi comme à minuit. Est-ce que tu as besoin d'une heure précise dans ton agenda pour aller boire de la bière? Va au bar puis bois de la bière. Mais si c'est un rendez-vous avec quelqu'un, on sait pas. Ah, je suis partagé. Je sais plus quoi croire. Je pense au prochain. Je pense au prochain, mais je veux tellement sauter. C'est n'importe quoi. C'est des mitaines pour s'essuyer l'arrière-train. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu as besoin de petites serviettes humides parce que c'est tellement plus plaisant d'aller aux toilettes avec une serviette humide ben de petit indice. Mais celui-là, c'est une mitaine que tu t'enfiles dans la main. Il y en a qui pensent que c'est une blague, mais bon, je sais pas. C'est une campagne, ça. Ça devrait en être une. Et ça s'appelle comment, ça? Veux-tu le dire? Non. T'es la co-animatrice officielle ce matin, t'as des tâches à accomplir, nomme le produit. Shittens are mittens. C'est des comme des mittens, mais c'est des shittens. Des shittens? Non. C'est un peu dégueu. Ouais. C'est en campagne sur Indiegogo, j'espère qu'ils vont se rendre à leur but un jour. Leur but étant situé en arrière, dans la Fed. Ah, ensuite, une chaise pour la meilleure posture ever. Là, on nous dit qu'une bonne posture, c'est de s'asseoir et d'accoter les coudes sur quelque chose pour être à 90 degrés. Donc, tes jambes sont à 90 degrés de ton corps, de ton bassin, de tes fesses et tes bras sont aussi à 90 degrés. Donc, la chaise est comme une chaise pas inversée, mais je dirais qu'il remplace le dossier par un genre de truc fait en mousse à l'avant de la chaise et tu accotes tes coudes dessus et tu tapes. Ça a l'air difficile d'expliquer un petit peu, mais... Dans le fond, c'est comme un support pour les bras pour pas qu'ils soient tout le temps dans les airs quand tu tapes sur le clavier. Mais ça vient avec la chaise, donc c'est pas le support que t'achètes, c'est la chaise. Optimal Posture Office Chair qui coûte 500$. J'aurais quand même aimé avoir le dossier, par contre. Avoir l'option de « je prends une pause, je m'accote ». Mais quand tu prends une pause, t'es supposé te lever debout et aller prendre une marche. Ah ben là... Le prochain, c'est pour les gens qui aiment le chocolat et la bière. Donc, versez-vous de la bière dans ce verre merveilleusement beau et brun. Et après ça, vous allez pouvoir manger votre verre qui est fait de chocolat. C'est pas beau, ça? Oui. Avec de la bière extra noire. Mais pas de la bière, là, mais je mettrais du thé dedans. Ah, c'est cool. Mais ton thé, c'est chaud. Ça va peut-être faire fondre le chocolat. Ça me dérange pas. Ça va te fondre dans la bouche. Ça me dérange pas. Tu vas avoir les doigts tout gommants. Ça me dérange pas. Je suis habitué d'avoir les doigts bruns parce que j'utilise pas mes shittens. En plus, tu trouves ça drôle. Ah, je me trouve drôle de faire des liens de même. C'est l'esprit de Jean-Philippe qui sort de ce corps. Mais sinon, je pense que tu pourrais mettre du thé glacé dans ton petit verre en chocolat, ça fondrait pas. Du jus à l'orange, du jus d'orange avec du chocolat. Bon mélange, on sentait du thé au chocolat à l'orange ce matin. Bref, n'importe quoi sauf de la bière dans le verre. Là. Ouais. Puis pas du café, parce que ça va fondre comme le thé. Du café glacé. Bon, il nous en reste quelques-uns, on se dépêche, là. Le temps file, le temps file. Ah, ça, j'aime vraiment ça, c'est pour les gens qui ont une conscience écologique, mais qui en même temps veulent avoir l'air original et comme super hipster. C'est en forme de feuilles d'arbre, pas de feuilles de papier, okay. En forme de feuilles d'arbre, différentes couleurs sont disponibles, vert, jaune, rouge, ça s'appelle Pocket Cup, donc peut-être que vous me voyez venir. C'est pour mettre du liquide, par exemple de l'eau à l'abreuvoir. La petite feuille s'ouvre un peu comme les portefeuilles que les gens nous donnent en cadeau quand ils reviennent de voyage. Pour la monnaie, là, tu sais, que tu squeezes le portefeuille, là, ça ouvre. Bon, c'est la même chose, mais ça fait un verre. C'est une feuille en silicone que quand tu squeezes, ça fait un verre. Tu mets ton liquide dedans et puis tu peux boire. Tu peux juste boire à l'abreuvoir, non? C'est trop facile. Trop facile. Donc, tu pourrais mettre n'importe quoi là-dedans. Pourquoi ça coûte 12$. Simple quand on peut faire compliqué. Et voilà! Ça existe, ça devrait répondre là. C'est beau! C'est le but. Parce que c'est beau. C'est juste pour ça. C'est cute, puis ça fait vraiment hipster. Tu vois la personne androgyne. Là. Il y a comme un début de moustache, mais on sait pas trop. Là. Bref, en tout cas, la personne. Elle a des grosses lunettes épaisses et son petit verre Leaf, Pocket Leaf. Ça a l'air très trendy. Glou, glou, glou. C'est pas ça quand... Shittens pour quand ça... Mettons ce moment, tu pourrais prendre la soupe avec toi. Il voulait pas en parler, mais non. Là, il fait juste ça, en parler des shittens. Rien que ça, hein? Ouais. C'est lui qui m'a marqué, match place de break. Je veux vraiment pas parler, je veux le sauter. Mais il en parle tout le reste de la chronique. Mais je savais que ça allait donner ça si j'en parlais. Il voulait qu'on lui donne la permission d'en parler. C'est ça. Merci les filles de m'avoir... C'est notre faute maintenant. Ouais. M'avoir enduré pendant cette chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, tous les liens sur assemblagerequis.com. Bien sûr, comme toujours, on prend une pause. On revient après avec Stéphanie Paradis. Oui, la chronique Zone Campus. Ça va être bon! Merci là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Marie-Pierre, toute jalouse pendant le bloc de pub, dit « Est-ce que c'est Alexandra Carignan qui fait la pub du service aux étudiants? Je suis la fille qui fait la pub du service aux étudiants. » Hey, tu fais toutes les intros d'Assemblage requis puis les retours de pause. C'était une blague. Elle fait très bien ça, d'ailleurs. C'est jamais assez pour toi. Oui, elle fait très bien. Vous vous complétez bien, c'est comme deux voix différentes féminines qui viennent ajouter la qualité à la radio. Wow! Effectivement, deux voix différentes. Oui, en effet. Comme à peu près n'importe qui dans la ville. Sauf les imitateurs. Oui. Sauf les imitateurs. Et certains gens pensent que Danny Janvier et moi sommes la même personne, mais c'est pas le cas. Mais tellement pas. Je sais bien. Pas de ma faute. Hein? Moi, je trouve sincèrement pas que vous sonnez pareil. Good. Pas que je veux pas sonner comme lui, mais il faudrait qu'il y ait une petite différence entre les deux. Sinon, j'ai l'air d'animer pendant 4 heures. Ouais. Tu fais juste ça. Fais rien que ça de ma vie. Stéphanie Paradis est toujours là, bien sûr. Mais bien sûr. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, je suis là. Je suis très présente. Est-ce que tu veux qu'on parle du journal Zone Campus? Oui! Yeah! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Hey, j'ai eu peur que Marie-Pierre dise « Non, j'ai pas envie qu'on en parle. » Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça a été bizarre pendant 20 minutes, un blanc. T'aurais fait ta chronique? Non, c'est vrai, elle est pas prête. Hey, c'est une blague! Come on, voyons. Elle me regarde avec des lasers dans les yeux. Comme un laser cat. Laser cat? Laser cat. T'as pas vu le sketch de Saturday Night Live avec les laser cats? Non. Vas-y, je vois. OK. très drôle. Donc, Zone Campus, volume 8, numéro 13, en kiosque du 4 au 17 mars 2013. On va sauter par-dessus la une parce qu'il est en sport. On va y revenir en temps et lieu tout à l'heure. On va y aller de façon chronologique. Tout à fait. Chronologique du journal. Oui, pas chronologique de l'ordre que ça s'est passé. Sinon, ce serait difficile pour le montage de faire ça, si on se mettait comme barrière. Donc, commençons par la GEQTR qui est exclue du sommet sur l'enseignement supérieur. Donc, oui, c'était une décision controversée du Parti québécois. Donc, à la suite de la publication de la liste des associations étudiantes admises au sommet de l'éducation, la GEUQTR a livré son mécontentement face à la décision du Parti québécois d'exclure l'association mauricienne. Ouais. Ensuite de ça, on parle de l'Assemblée générale spéciale annuelle. Assemblée générale spéciale ainsi que celle annuelle. Il y en a eu deux. C'est deux assemblées générales différentes, mais qui se sont passées une à la suite de l'autre. Donc, c'était le 19 février dernier. Donc, la GEQTR a tenu ces deux assemblées générales, oui. Donc, une annuelle, une spéciale. Donc, les deux assemblées ont été l'occasion pour les membres de l'association de revenir sur l'avis de motion concernant la modification de l'article 3.11, de faire un suivi concernant les frais institutionnels obligatoires et de prendre position sur le sommet sur l'enseignement supérieur. Il y a que des mots de plus de 15 lettres dans le début de cet article-là, on dirait. Ensuite, on parle d'activités de vulgarisation scientifique. Oui, donc du 25 au 28 mars prochain, l'Université du Québec à Trois-Rivières organisera différentes activités de vulgarisation scientifique pour permettre aux étudiants ainsi qu'à la population trifluvienne d'en savoir plus sur les travaux des professeurs et des étudiants-chercheurs. Donc, l'activité, c'est le 5 à 7 savoir partagé. L'affaire est dans le sacre. Vulgarisation vulgaire. Dans le sacre. Vulgarisation. Mais c'est pas vulgaire. Au savoir partagé. Je crois que je fais ça avec mon prof. T'es ça pas certaine. À vérifier, hein, rapidement. Est-ce que c'est... 5 à 7 avril, ça sent bien, hein? Est-ce que c'est pour ma soutenance en 180 non. secondes? Non. Bah. Mais j'ai une amie qui le fait, ça. Je pense que ça doit être intéressant de voir ça. Moi, je serais vraiment curieuse. Mais oui, pour vrai, t'as 180 secondes pour présenter ton projet. Et, c'est comme un pitch, là. C'est comme du speed dating. Oui. Mais vends-moi ta thèse. C'est comme exactement. Ça, ta salade. Oui. Tout à fait. Le 20 février dernier, il y avait la journée carrière à l'UQTR. Oui, la journée carrière. Donc, c'était l'occasion pour les étudiants de l'université de tenter de trouver un stage ou un emploi auprès de différentes sociétés québécoises. Donc, sur place, il y avait 87 stands de diverses entreprises. Ensuite, le sommet sur l'enseignement supérieur à Montréal. Oui, donc, c'est tout simplement le verdict de la CREPUC sur le sommet de l'éducation. Good! Ben good, certain! Good! Simon Fédibé, dans sa chronique En pleine face, nous appelle ça le titre « Indexez-moi ». Ben oui, donc, comme vous l'aurez deviné, il nous parle de l'indexation et du sommet. Hein? Il parle de son doigt. De l'index. Sa doigt? Ma. Ma. Ma. Ma. Toujours en actualité, pour clore cette section-là, on parle de recherche en loisirs. Oui, donc c'est Émilie Bellé-Ranger. Je sais pas exactement comment elle prononce. Belly Ranger? Ta-ta Belly Ranger. Ah, c'est sûrement qu'elle l'a jamais entendu ça non plus. Go, go, Belly Ranger. Moi dans ma tête... Les Power Rangers, c'est ça. Moi, dans ma tête, ça sonne un peu comme Jolly Rancher. Les bonbons. Les je les aime pas. Ça colle ben trop aux dents, ça. Pas le fun. Non, mais non. Non, moi, ça va. C'est beaucoup mieux les Power Rangers. C'est ça. La chanson fait mieux. Oh, OK. Donc, c'est une étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a effectué une recherche sur les facteurs qui poussent les jeunes à prendre des risques lors de leurs loisirs. Recherche très intéressante. Ça doit. On passe d'actualité à société maintenant avec la chronique de Sébastien Dulude. Va voir ailleurs, j'y suis. Donc, sottise, haïtise. Donc, on a Sébastien qui nous offre, pour notre plaisir le plus inoffensif, quelques faits idiots sur les années 80. Maudit, hein? Très intéressant. Ah, les années 80. Évidemment, il va nous faire sa chronique en direct à la radio lundi prochain à 8h dans le cadre d'Assemblage Rocky, bien sûr. Mais si vous êtes pressé, là, c'est disponible maintenant. Attendez un peu, vous allez avoir de l'audio. À quoi que dans le journal, cette fois-ci, on peut pas dire que la radio bat le journal parce qu'il y a des photos. Oui, elles sont très importantes. Elles font partie du texte. David Hasselhoff. Ensuite, beau. À l'époque, en tout cas. Dans sa chronique Anthropologie moderne maintenant, Stéphanie Gladue parle de création de besoins. Création de besoins 101. Donc, elle nous parle de notre tendance à vivre à crédit et du bonheur à travers tout ça. Je connais ça. Jean-François Veilleux, sa chronique s'appelle « Je me souviens au pouvoir citoyen, l'athéisme et la religion humaniste ». Beaucoup de mots. Hein? Oui. Donc, M. Veilleux qui nous parle, entre autres, des 12 principales croyances des athées. Donc, ça a été élaboré par Claude Braun, comme la marque de rasoir électrique, là. Oui, B-R-A-U-N, pas la couleur, B-R-A-U-N, d'accord. C'est ça, pas brun, mais le rasoir, là. Je me demandais pourquoi tu précisais, là. Le revers de la médaille par Michael Magny, maintenant. Oui, l'argent rend aveugle. Donc, M. Magny qui nous parle de la pyramide de Maslow ainsi que de la liberté avec un A accent circonflexe. Oh, hein? C'est pas n'importe quoi. Ensuite, dans sa caricature ou son dessin éditorial, si on veut, comment t'appelles ça, un dessin à opinion? Mettons, oui. Hubert Samson? Ben, il faudrait trouver un nom officiel de catégorie de dessin. Samson, ça a l'air que le sujet le touche. Au lieu de Samson, Bella, de là, t'y touches. Oh yeah! Samson, ça a l'air qu'elle... Come on, c'était écœurant! Est-ce que t'es commandité pour celle-là? Non, mais là, je m'attendais à une plus grande réaction. Oh. Lève la foule! Je fais des signes de gars qui mènent la foule. On fait la vague! On fait la vague! C'était quoi déjà que j'ai dit? J'en ai aucune idée. Samson, ça a l'air que le sujet le touche. C'est écœurant. Je suis comme l'alarme à l'œil. Oui! Je suis pas sûre que je vais dormir ce soir. Je vais tellement y réfléchir puis rire comme... Un vrai poète. Jusqu'à temps oui, que c'est je ça. M'endorme. On va s'appeler ce soir, moi et Marie-Pierre, pour en rire encore. Ben oui, parce que tu ris pas ça, de ça toute seule, là. Faut faire ça en gang, hein? La wave, ça se fait pas toute seule non plus. Bon, bref, c'est de quoi qu'il parle? Quoi? De quoi qu'il parle? Le fantasme. On n'a pas amené le sujet pour pas que tu parles de son sujet, là. De Léo Bureau-Blouin. Donc, vol jusqu'au sommet. Merveilleux, merci. Petit poulet. Petit poulet. Bon. Toujours en société, mais sous section opinion. Deux textes d'opinion, c'est genre. Art et spectacle. Non, je sais pas si vous voulez, je le saute ou pas. Civil and the Bad Habits, un groupe à découvrir. Donc, c'est un groupe de style folk. Folle, des fofolles. Folk, rock et pop, qui est très présent sur la scène culturelle de la Mauricie. Donc, à ne pas manquer, ils seront à la Chasse-Galerie le 14 mars prochain. Ils sont extrêmement talentueux, ces gars-là. Pour vrai, je vous conseille vraiment Civil and the Bad Habits. Là, c'est très bon. Mm-hmm. Ensuite, en improvisation, on parle de la huître. Victoire serrée pour les Bleus sur les Verts. Donc, petit bilan du match. Étant donné qu'il n'y en avait pas cette semaine pour la semaine de relâche, si vous êtes nostalgique et vous avez vraiment hâte à la semaine prochaine, allez lire le compte-rendu du dernier match. Pleurez un peu. Bon. Oh, ouais. On parle, en fait, Alexandra nous en a parlé lundi, mais le spectacle de Damien Robitaille. Oui, le charme et la chaleur de Damien Robitaille. Qui, malgré des critiques mitigées, a offert un spectacle réussi. C'était réussi. Good, good, good. Good. Damien Robitaille. Moi, je le trouve tellement drôle. Oui. Mais tu sais, il est quétaine, mais il s'assume. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est important. Il faut s'assumer. Ben oui. T'sais, tu chantes quel est le mot de passe. Passer la nuit avec toi. Tu sais, faut que tu aies une manière de le dire pour que ça passe pas comme la chose la plus juste et cheesy de la planète. Tellement. Puis lui, ça passe super bien. C'est drôle. C'est point final. Très drôle. Si on reste dans le domaine des spectacles, toi, t'es allé voir Olinéa, Stéphanie. Olinéa, faire rocker le français. Donc, Olinéa, qui, malgré le chanteur qui était mal en point, a offert une solide performance. Donc, les soirées cachées, c'est fou. À ne pas manquer, il va y avoir une autre soirée cachée, c'est fou. C'est le 13 mars prochain. C'est qui? On sait pas encore, c'est on caché. Sait pas. Non. Oui, mais moi, j'essayais de faire sortir le chat du chapeau. Je sais pas, moi, si vous le savez ou pas. Ben non, on sait pas. On est pas privilégié comme ça. On est assez tellement pas privilégié que sûrement que ça n'est pas rendu compte. Puis là, on va lui dire, puis il va s'en rendre compte peut-être de par lui-même. La mauvaise pub qui était insérée dans le journal par ma faute. Là. Donc, je m'excuse à tous les endroits possibles où je peux m'excuser. Mais bref, c'est pas le 21 février tel qu'il est dans le journal. C'est le 13 mars la prochaine. Donc, on va faire notre job mieux la prochaine fois. Et on va le dire sur Facebook et sur le blog. Et on vous le dit, soyez là le 13 mars prochain. Parce que ça va être encore un excellent spectacle. Je n'en doute pas. Ils ont beaucoup de goût pour choisir leur groupe. Donc, c'est toujours, toujours un succès, une réussite et plein d'autres synonymes. Oui. Et les informations seront, comme toujours, sur Facebook, sur la page facebook.com/soirée-cachée-c'est-fou. Et sur Twitter, c'est twitter.com/soirée-c'est-fou parce qu'il n'y a pas assez de place pour le nombre de caractères du titre de l'événement. Et c'est important de les suivre parce qu'on va avoir un peu plus d'informations. Plus on va avancer vers la date, plus on va avoir de l'information. Donc là, j'ai bien hâte de savoir où ça va se dérouler. Mm-hmm. Exact. Toujours en arrière-spectacle, dans la chronique musicale de Maxime Tanguay, il nous parle de deux nouveaux albums, celui de Eels, qui s'appelle Wonderful Glorious, et celui de Jim James, qui est Regions of Light and Sound of God. On reste en arrière-spectacle pour parler des lundis de l'humour. Oui, donc Karina qui nous parle des humoristes de la relève, ainsi que de ceux qui sont plus habitués à la scène, qui vont performer au lundi de l'humour. Donc, on a un petit bilan et une petite critique des humoristes qui sont allés dans les deux dernières semaines. Tout à fait. Je sais qu'on n'en parlait pas trop en longueur, mais juste en surface, il y a une exposition de Andrew Remington Bailey jusqu'au 24 mars prochain au centre de diffusion Presse-Papier et je trouve son nom vraiment hot. Donc, je voulais dire, j'aimerais ça m'appeler Andrew Remington Bailey. Ça ah se oui? dit tellement bien, Andrew Remington Bailey. C'est 007. Il y a une attitude très... positive qui vient avec ça, ça se dit bien. Dorénavant, je pense que je vais m'appeler Andrew Remington Bailey. J'aime trop son nom. T'sais, vous écoutez Assemblage Requin en compagnie de Andrew Remington Bailey et Jean-Philippe Charbonneau, ça sonne. Là. Ben, ça a de la ça gueule. Sonne comme un nom de motivateur ou je sais pas trop. Ça, quand tu t'appelles comme ça, tu peux pas être négatif ou. C'est vrai. Je sais pas. Oh. Surtout si t'as une cagoule mauve comme sur une de ses œuvres. C'est vrai. C'est beau, beau, beau. Bref. C'était mon anecdote du jour. C'est mes rêves, mon c'est rêve d'avoir un nom anglophone. On passe en sport et on commence en natation. Bloop, bloop. Bloop, bloop. Je pense c'est le bruit que fait Caroline Lapierre-Lemire. Oui, quand elle nage, j'imagine. Hey, c'est vraiment très exhaustif comme légende. Hein? Caroline Lapierre-Lemire, point. Il n'y a rien d'autre à dire, peut-être. C'est une photo, tu sais qui. À tellement de latitude, je veux dire, c'est ça, point. Elle est hot, là. C'est vrai. OK, donc natation, les trifluviens s'illustrent à Calgary. Donc, Isabelle Couture nous parle des excellents résultats en natation, principalement du côté des femmes. Donc, entre autres, de Caroline Lapierre-Lemire. Mm-hmm. Et ensuite, on parle de soccer. Un dernier effort avant les séries. Donc, petit bilan du dernier match en soccer, autant pour eux, les hommes, que les femmes avant les séries. Il y a toujours le texte à tendance opinion là, de Philippe Doucet. On va se le dire. Là. Ouais, donc on a Philippe Doucet qui nous envoie ça en rafale. Donc, il nous parle principalement des séries en hockey chez les Patriotes. Donc, les derniers matchs contre Carleton, les honneurs individuels et ce qui s'en vient pour le championnat canadien. Mm-hmm. Après ça, Maxime Bilodeau et son texte d'une foulée à l'autre qui nous lit les jeudis matins ici à Assemblage Rocky nous parle du Wushu. Ah ouais? Wushu, point d'interrogation. Aux Jeux olympiques, point d'interrogation. Il aurait dû en mettre deux la deuxième fois. Comme ça fait full ami RC, chat. Avec un point d'exclamation oui, même. Un petit bonhomme sourire. Donc, il répond aux questions « Qu'est-ce que le Wushu, déjà, premièrement? » Et est-ce que cela a sa place aux Jeux olympiques? Très intéressant. Mm-hmm. Et il va en falloir fait, que je lise, je ne sais pas c'est quoi le Wushu. Ah, voilà, je t'ai intriguée. Cet article est pour moi. C'est pas juste un plat chez Grabaudienne, sûrement, comme on l'a dit. Au Wushu! En passant, si ça vous intéresse d'avoir encore plus de détails, comme on dit tout le temps, écoutez l'émission du 1er mars dernier d'Assemblage Rocky où sa chronique était à 7h30. on parle de cheerleading ensuite. Les Patriotes ravissent un échelon. C'est ça. Les Patriotes cheerleading qui gravissent un échelon. Ça résumait l'article au complet. OK, maintenant, champion de l'Est, les Patriotes hockey. Oui, donc l'article sur la une qui est à la toute fin du journal. Donc, les Patriotes qui remportent un duel épique et deviennent champions de l'Est. Donc, on a un petit bilan et... un gros bilan oui. Et analyse des trois matchs contre Carleton. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi Epic? Eh bien, vous le saurez en lisant l'article de M. Doucet. Teaser! C'est ça, on dit dernière page du journal, mais pour les sportifs, ils commencent vers la fin. Ben oui, c'est sûr. Donc, c'est la première page des sportifs et la dernière pour tous les autres. Déjà normaux. Non, moi, j'ouvre à la page de Sébastien Dulude. Et après ça, je lis le reste du journal. Donc, pour certains, la première page, c'est Société avec Sébastien. On devrait, à la place de mettre des numéros de page, marquer page 1 de Marie-Pierre Laforge-Bourret, page 1 de... Page 1 des sportifs, page 1 des hipsters, page 1 des... Ah, donc, retrouvez le Zone Campus en kiosque du 4 au 17 mars 2013, volume 8, numéro 13, ou encore sur zonecampus.ca. Je sais que le blog n'est pas encore à jour, mais on a eu des problèmes avec la livraison hier, donc le zonecampus.ca va être mis à jour aujourd'hui. Vous allez pouvoir commenter, partager, facebooker, liker, suivre, tweeter, truiter, si vous voulez, sur le Twitter. Et essayez pas d'aller chercher au El Tao, que c'était fermé hier. Oui, même chose pour le Nord-Ouest. Qui ouvre à 8h la semaine, et pour le Bucafin qui était fermé aussi. Oui, ben oui, on est passé beaucoup trop tard hier. Ben oui. Et on a fini ça à 16h15. Tabarouette. Donc, zonecampus.ca et puis zonecampus en kiosque partout sur le campus de QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. On va terminer avec une petite pièce musicale de Fiddler. Hey, ça, c'est une bonne idée. On s'en va entendre No Waves. Miam, miam, miam. Ah, c'est fou. I feel like a crocodile. I feel like I can't get drunk no more. Cause I'm on the floor. Looking for some matches just to cook up a score. I feel like shooting up. I feel like giving up on my skin. Cause I'm fucking bored. I want a perfect left and it sucks for sure. Cause I'm on the floor. Just pick me up and give me some more. I feel like a grandpa. I feel like I'm already 80 years old. And it's getting so cold. I need a new body and I need a new soul. I feel like getting drunk. I feel like fucking up my life again. With all my friends, I hope we'll make it to the end. I feel like shooting up. I feel like I can't get away no more. Cause I'm on the floor. Just looking for some answers. Just to keep me strong. Left and the sun's the shore. Woohoo! Fiddler, No Waves, Assemblage Rookie, tout le monde capote! Ah oui, tellement mon coup de cœur des palmarès de la semaine dernière. Et que c'est donc bon. Ah oui. J'ai l'impression d'être l'été. Bon, c'est vrai. Oui, il n'y a pas beaucoup de pièces qui nous donnent l'impression d'être l'été, hein, pour vrai, ces temps-ci. J'ai le goût de boire une limonade. Un thé glacé dans un petit verre en chocolat. Pourquoi pas du chocolat? C'est la fin de la première heure. Tout à l'heure, la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Tu parles de deux films. Oui. Absolument. C'est tantôt. Et après ça, il y aura la chronique Kinky Sexy Time. Ouais. Des faits sexuels un petit peu. Stéphanie Paradis va nous présenter une chronique tout à fait spéciale. Un mini, c'est un fait. Sur la langue française. Oui. C'est à venir dans la deuxième heure de l'émission, mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 3, 2, 1, go! Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, on est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 6 mars 2013. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et c'était la voix officielle d'Assemblage Requis, Marie-Pierre Laforge-Bourret, qui Live. Nous a présenté le commanditaire. Hey, je capote. Live. Je veux un autographe. Ça va être long. Je vais signer ça sur le chest. As-tu une demi-heure? Ça va passer de bord en bord. Je marquerai Marie-Pierre, etc. Mais je me trouvais drôle, personne n'a réagi. Ça prend une demi-heure à Marie-Pierre Laforge-Bourret. Comment? Je sais, c'est long. Ben oui, c'était drôle. Moi, je le trouve vraiment cute, ton nom. Je ris long, de ça parce que c'est cute, rare. Oui, c'est mignon. Vraiment? C'est mignon, c'est tellement long. Ça finit plus. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Mais c'est drôle, mais hier, je parlais avec un ami. Lui aussi a un nom composé. C'est quoi? À l'infini. C'est quoi? Je dirais non. Mais ça serait drôle, c'est pas pour rire de lui, c'est pour le saluer. Salut! Mais on se posait la question, c'est Félix-Antoine Désilé Rousseau. Bon. Tu vois à quel point c'est long. Ça en est fait très long. Mais on s'est dit, ouais, mais mettons, là, des gens là, qui ont deux noms de famille, ont des enfants ensemble, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, c'est ça la question. Moi, c'est un gros questionnement. Choisis, j'imagine les meilleurs. Mais mais mettons que tu choisis le nom de famille double du père, les gens vont penser, oui, OK, t'as le nom de ta mère puis de ton père, mais non, c'est pas le cas, c'est le nom des grands-parents. Ça devient compliqué, cette chose-là. Moi, je pense que t'en choisis seulement un dans le composé, j'imagine. Ben non. Non? Mettons, c'est quoi, je choisis entre ma mère et mon père? Ben, imagine. Mais non, mais il y en a pas un, OK, tu t'identifies plus ou pour toi, les deux, c'est égal? Ben, je raconterai pas ma vie à la radio. Tes parents veulent pas que t'enlèves tes noms de famille, j'imagine. Ben non, mais moi, j'ai des parents divorcés. C'est comme choisir entre ma mère et mon vrai, père. Ça vrai. Fonctionne mais pas, tu sais, moi, j'utilise que planche. Je pourrais utiliser tout en planche, mais je pense... Tout en planche. je commence à avoir de la choisir, ça serait un peu rejeté un de tes parents qui sait pas son nom de famille du tout. Ça serait pas vrai parce que j'ai de la poitrine quand même. mais planche. Ouais, bref. C'est compliqué ces affaires-là. Ça rentre pas sur les formulaires. Plein de problèmes comme ça dans la vie. Difficile la vie, difficile. Le gouvernement, il tient pas compte de nos noms. Fait qu'on salue Fader, c'est son nom, Fader? Félix Antoine Désilé Rousseau, Fader. Ça ressemble pas mal à ça. Fader, comme toi, je t'appelle Maple Bee, MPLB, Maple Bee. Oui. Pierre Laforge-Bourret, Maple Bee, on s'entend là-dessus. Ou encore Abeille à miel, là, parce que Maple Bee. Abeille à miel. Ça fait bizarre un peu. C'est son nom, c'est pas ma faute, c'est son nom. MPLB, Maple Bee, Abeille à miel. Bon. Ben, Maple, c'est pas de l'érable. Érable, excuse-moi, c'est pour ça que je voulais être raison dans ma tête, mais t'as raison. Abeille érable. Fail. Fail. J'avais déjà fait correctement sur Facebook, puis je m'en veux de pas l'avoir fait correctement à la radio. Mais bon. Dans quelques secondes, parlant de Marie-Pierre Laforge-Bourret, elle va faire sa chronique cinéma. Oui. Dans quelques secondes. Mais avant ça, tu nous présentes une demande spéciale. Ben oui, c'est un groupe, je crois qu'il jouait il y a de ça environ un an et demi au Palmarès, c'est fou. C'est vrai. Qui est Local Natives. Mm-hmm. Et ils ont sorti un album, je crois, c'est il y a environ 2 mois. Un album qui est excellent du début à la fin. Hummingbird. Oui, c'est vraiment, vraiment bon. Moi, c'est à date depuis le début de 2012, ça, c'est dans mes albums, là. Pas que j'en ai écouté des milliards, mais ça risque de le rester au courant de l'année. Parfait. Donc, on écoute la pièce You and I sur l'album Hummingbird de Local Natives à Assemblage Requis. You and I, we were all Local Natives et You and I sur l'album Hummingbirds. Une suggestion de Marie-Pierre Laforge Bourret. Elle est bonne, cette chanson-là. Oui. Puis en plus, c'est les paroles aussi. Mm-hmm. C'est beau. C'est très, très beau. Et triste. On a trouvé la solution à un enfant qui porterait les deux noms de famille de ses deux parents. Il faudrait que tu l'appelles A. Juste la lettre. A, Laforge Bourret, Désilé Rousseau. Qui invente un nouveau nom de famille. Ben, c'est ça. Ouf. Ou la première syllabe de chaque. Ouais. C'est, mettons, tu l'appelles A. Laforge Bourret Plante Paradis. OK, Laforge Bourret Plante Paradis. Donc, Pladi. Ou Bladi, ou Blada. Non. Ou Bladi. Ou Blada. Ah, ouais. C'est tellement pas la meilleure chanson des Beatles. Mathieu. I am the walrus. Bon, ça va faire les chants parce que c'est pas UQTR en spectacle ici, malgré qu'on a la troisième position du UQTR en spectacle en studio. Qui ne chante pas, d'ailleurs. Non. Wow, mais, on n'a peut-être pas le talent, personne ici, pour aller chanter UQTR en spectacle. Non. Mais elle va nous danser son intro. Voici Marie-Pierre Laforge-Bourret. Attention. Oh. Tu te rappelles de ta chanson? T'enlever les clochettes. Sans les clochettes. Et voilà. Ah. Elle nous joue du xylophone. Non, mais c'est une belle intro. Oui. Moi, elle me charme à chaque fois, son intro. Ouais. Moi, elle m'impressionne. Elle joue ça live, là, le xylophone. Tout en faisant une chronique sur le cinéma aujourd'hui. Parce qu'on va l'expliquer. Marie-Pierre Laforge-Bourret est de retour après une absence de quoi? Ça fait peut-être 2 ans? Non. Un an et demi? Un an, si oui. Peu? Oui. Ça a eu l'air long sans toi. Je suis désolée, Mathieu. Hein? C'est cute, hein? C'est encore mieux quand tu me revois. Hein? Oh oui, ben c'est ça. Ben, commence pas à t'en aller pendant 2-3 semaines comme certaines chroniqueuses. et revenir après, c'est une blague, c'est une pine. Faut bien piner des fois, on pine ceux qu'on aime. Donc Marie-Pierre, tu... Généralement. Dis de même, ça a l'air bizarre un peu. Oui. Donc tu nous présentes une chronique un peu etc. C'est un peu n'importe quoi. De semaine en semaine, tu vas nous amener ce que tu as envie de nous amener. Hein. Oui, ben j'avais envie de vous faire une chronique cinéma parce que, bon, en littérature, tu lis des livres et à un moment donné, t'es tanné de lire. C'était une chronique littéraire que tu nous proposais. Oui. Que tu nous proposais. Avant, je vous faisais une chronique littéraire et là, j'habite avec une coloc qui écoute beaucoup de films. Mm-hmm. Moins ces temps-ci, mais à l'automne, on en a écouté énormément. Fait que j'ai fait beaucoup de découvertes. Bien que le film dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai découvert pas avec ma coloc, mais par moi-même. Mais oui, j'ai eu envie de faire ça. Ça fait juste changement. Puis écouter des films au lieu de lire des livres, des fois, ça fait du bien. C'est le fun. Oui. Ça détend un peu plus le cerveau. Oui. T'as pas besoin d'imagination. Oui. Tu sais, ces affaires-là. Tu peux être un peu plus passif. Oui. Mais non, c'est ça, les films desquels je vais vous parler aujourd'hui, votre devoir de la semaine de relâche, chers auditeurs. Oui, il y a des devoirs et leçons à travers tout ça. Ben oui. Je pensais pas que j'allais avoir une job de plus à faire avec cette chronique-là. Ah, ben, c'est pas mon problème. Mais je vous parle de deux films réalisés par un certain Jonathan Dayton et Valérie Faris. Donc, c'est deux réalisateurs qui travaillent ensemble, qui ont entre autres travaillé sur des vidéoclips de Red Hot Chili Peppers, de R.E.M., entre autres. Le premier film, c'est Little Miss Sunshine, que vous avez peut-être déjà vu. L'avez-vous déjà vu? Non. Quoi? Outrage! Est-ce que ça a un titre en français? Je crois pas. Hein? Non, Little Miss Sunshine. Petite Madame Soleil? Oui. C'est sorti en 2006 et je vous conseille, c'est un peu drôle, de l'écouter en anglais. Parce que, c'est souvent le cas. Ouais, ouais. Mais je pense que pour ce film-là particulièrement, les voix en français sont moches. Je l'écoutais dans le temps des fêtes avec ma mère, je jouais à la télé et je me disais, ouh, les voix en anglais, c'est beaucoup mieux. Et un autre fait que tu soulèves ici, de ne pas écouter les films à la télé parce qu'il manque des longs, longs, longs bouts pour rentrer dans le cadre horaire. Vraiment beaucoup. Oui. Oui, t'as peut-être raison. Les fins de scène, les punchlines, il manque plein de choses. Mais en tout cas, écoutez-le en DVD, ça se trouve assez facilement. Ouais. Dans le film, il joue. Dans le film, les acteurs sont. Ils jouent. Et les nominés sont. Steve Carell. Oui, okay, que bon. Vous connaissez sûrement, qui joue dans 40 ans et encore puceau, Evan le Tout-Puissant et de nombreux autres films comédie américaine. Il y a une certaine Toni Collette que je connaissais, je crois, je l'ai déjà vue dans un autre film qui fait la maman. Et Abigail. Breslin. La petite fille, là. Oui. Qui joue dans quand même pas mal de films aussi. Oui, la petite fille, elle joue dans Ma vie pour la tienne, entre autres. Elle jouait dans Sing. Mm-hmm. Je l'ai vue dans plusieurs films déjà, puis elle est vraiment excellente. Ouais. Surtout, particulièrement dans Little Miss Sunshine. Et bon, l'histoire de Little Miss Sunshine, c'est une famille, donc le papa, la maman, et leurs deux enfants. Donc, le papa qui s'appelle Richard, la maman qui est Cheryl, et leurs deux enfants, Dwayne, qui est un adolescent qui ne parle pas depuis plus d'un an. Parce qu'il veut participer, il veut devenir pilote de jet ou quelque chose comme ça. Et son moyen de pression sur ses parents pour qu'ils acceptent de lui permettre de faire le camp, c'est de ne pas parler. Wow. Ça fonctionne pas, donc il continue quand même. Il persévère. Écoute le film, okay. Tu vas voir. Et il y a ça, entre autres. Et la petite fille qui est Olive. Olive Hoover, c'est son nom de famille. C'est donc bien cute. Oui, Olive Hoover. Et Olive aime beaucoup les concours de beauté. Mais Olive n'est pas une reine de beauté. Tu vois, c'est une petite fille des États-Unis très ordinaire qui a un petit surplus de poids. Donc, elle a une bédaine d'enfant. Mais tu sais, une bonne bédaine d'enfant. C'est le genre de Honey Boo Boo, là, non? Non. C'est pas un compliment, bébé. Hey, par contre, une petite blague qui vient de me venir à l'instant parce que je suis comme vraiment rapide sur mes patins, mais pas assez pour le dire pendant que la blague est encore en contexte. C'est donc là, c'est déjà hors contexte. Un petit peu. Olive Hoover, est-ce que c'est avec... c'est quoi le nom? Avec pâte de piment. Olive Hoover, c'est ouvert, des olives vertes. Olive Hoover avec pâte de... donc, la petite fille Olive a participé à un concours de beauté dans son état ou quelque chose comme ça. Et par désistement, donc, elle avait gagné la deuxième position. Mais la première position s'est désistée pour le concours à l'échelle nationale. Mm-hmm. Et elle se retrouve donc à être invitée à aller en Californie au concours national Little Miss Sunshine. Oh, donc, de là le titre du film. Mm-hmm. Et dans la famille, donc, je l'ai dit, il y a le papa, la maman, les deux enfants. Mais il y a également le grand-papa qui habite avec eux, qui est assez déjanté, spécial et il prend de l'héroïne, de la cocaïne, okay. Whatever. Je pensais que c'était juste qu'il pourrait être de la place, mais il prend non, de la cocaïne. Non. Et... oh, ouais, c'est tout un phénomène. Okay. Et il y a également le frère de la maman, donc le frère de Cheryl, qui est Steve Carroll, qui a fait une tentative de suicide et qui se ramasse à débarquer dans la famille comme ça, en plein milieu d'une semaine. Et bon, c'est à partir de ces personnages-là qu'on suit, parce que non seulement on les voit interagir entre eux, donc on voit une famille un peu dysfonctionnelle, donc le père est un peu un motivateur dans la vie, mais tu sais, ça fonctionne pas, son affaire. Ouais. Donc c'est une famille vraiment dysfonctionnelle qui se retrouve à être invitée à un concours de beauté et qui décide d'y aller, de traverser le pays, donc certains états, je sais pas exactement dans quel état ils sont, pas, dans quel état de fucker, en tout cas. Mais bon, c'est ça, ils font deux jours de route pour se rendre au concours de beauté pour qu'Olive puisse participer parce que c'est vraiment son rêve. Et l'histoire, c'est tout simplement ça. Mais ils vont en minivan un peu en... Westphalia. En Westphalia, tu sais, quelque chose comme ça, mais tu sais, plus format minivan, là, dans le sens que c'est organisé comme des sièges normalement ou whatever. Et donc, on les suit pendant ça, mais il se passe tellement de choses en deux jours. Et ce qui est spécial avec ce film-là, ce qui est vraiment accrocheur, puis ce qui a fait que c'est un de mes films préférés, c'est entre autres que, bon, ça traite de sujets sérieux, entre autres du suicide, donc l'oncle qui fait une tentative de suicide, de la mort aussi. Et c'est traité très légèrement. Donc, c'est des sujets qui pourraient comme briser l'ambiance du film ou briser le mood, parce que c'est un feel-good movie. C'est vraiment ça, parce que quand tu files pas trop, t'écoutes ça, t'es de bonne humeur. Mais c'est des sujets super sérieux, mais ça brise pas l'ambiance, puis c'est traité avec légèreté. Et c'est étonnamment, ça fonctionne très bien. Et c'est coloré comme film, c'est comique, les personnages sont attachants, même s'ils sont un peu spéciaux. Et vous devez vous rendre jusqu'à la fin du film, parce qu'une des scènes finales, c'est vraiment quand ils sont rendus au concours de beauté. Vous devriez voir la performance de Olive Hoover. C'est un coup de cœur dans le film. Wow. Vous devez vous rendre jusqu'à la fin. OK. Ça vaut la peine. Donc, je vous ai dit que le grand-papa était déjanté un peu, là. Ouais. Imaginez, la chorégraphie est faite par le grand-papa. Oh. OK. Parce qu'elle a fait une petite danse, là, pour, au concours de beauté. Ils présentent toujours leur talent. Bon, il y en a, c'est comme le chant. Et non, c'est vraiment un film... C'est « So you think you can overdose ». Mais non, sérieusement, regardez ce film-là. C'est vraiment très bien fait. Puis c'est ça, c'est coloré, c'est léger. Il y a vraiment des très beaux moments dans le film. Donc, une famille dysfonctionnelle qui vit beaucoup de choses. On les suit, puis c'est tout simplement attachant. Merveilleux. C'est Little Miss Sunshine de 2006. Little Miss Sunshine de 2006. Est-ce que je peux changer mon jeu de mots de tantôt pour un autre? Oui, vas-y, Mathieu. Je vais changer olive, peau ou vert, vert comme les olives vertes et pâte de piment dedans. J'enlève cette blague-là, je la retire du marché. OK. Je pensais que tu la refaisais en mieux, puis j'étais comme, non, c'est pas mieux, Mathieu. Je rajoute à la place olive, si elle avait un enfant avec quelqu'un qui s'appelle Monsieur Pot, ce serait... Olive, peau ou vert. Bon, ça fit. Peau ou vert. Le deuxième film dont je vais vous parler, des mêmes réalisateurs, donc je répète leur nom, c'est Jonathan Dayton et Valérie Faris. Oui. C'est Ruby Sparks. Ah, je connais pas celui-là. C'est le nom d'une personne, donc oui. Ruby Sparks, qui a été réalisé en 2012 et qui a été écrit, donc scénarisé par l'actrice principale. Qui s'appelle Zoé Kazan. Je l'avais jamais vue nulle part. et fait cocasse. Ben, cocasse. En fait, l'acteur principal, parce que ce sont deux acteurs principaux dans Ruby Sparks, mm-hmm. et l'acteur, c'est Dwayne, c'est le frère dans Little Miss Sunshine, qui est plutôt adolescent, c'est ça, qui parle pas, qui est un peu renfermé sur lui-même, et qui joue un rôle complètement différent dans Ruby Vieux, Sparks. Est-ce qu'il est plus vieux, plus jeune? Plus vieux, mais c'est pas Dwayne. C'est pas Dwayne, c'est le même acteur, mais pas le même personnage. Ben non, mais j'imagine, j'espère, mais c'est sûr que les réalisateurs ont des acteurs fétiches. Une chance que son nom de famille, c'est pas... j'ai faim, mettons. Parce que ça ferait Ruby Sparks, j'ai faim. C'est parce que j'ai faim. Mm-hmm. Et bon, cet acteur-là, c'est Paul Dano. Qui, moi, la première fois que je l'avais vu, c'était dans un film avec Angelina Jolie. Tu sais, il y avait une enquête de crime, là. Puis elle faisait ça. Puis bon, lui, il jouait le tueur dedans. Monsieur et Madame quand il était Smith, jeune. Je sais tu. Non, mais bon, je l'avais déjà vu dans ce film-là. Et là, c'est comme je l'ai vu dans Little Miss Sunshine et dans Ruby Sparks. Et il est vraiment excellent dans tous les cas. Et donc, Paul Dano, qui est l'acteur qui joue. Ben voyons, c'est quoi son nom? Dans Ruby Sparks, je sais pas. J'arrive pas à croire que j'ai oublié le nom. On l'appelle Dude. C'est Calvin. C'est Calvin. C'est pareil. Il joue le rôle de Calvin et Zoe Kazan joue le rôle de Ruby. Mais l'histoire, en gros, c'est que Calvin est un écrivain best-seller, donc un écrivain un peu adolescent qui a écrit un livre à la fin de l'école du lycée ou quelque chose comme ça, qui a été un best-seller, donc vendu un peu partout dans le monde, puis bon, un écrivain américain très reconnu. Mais à un certain moment donné, il n'est plus capable d'écrire. Donc, il a le syndrome de la page blanche, puis ça l'angoisse, puis bon, il va voir un psychologue, puis... Il parle tout le temps au psychologue. Il y a un chien parce que t'as acheté un chien pour socialiser avec les gens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis. Mais par contre, son chien qui est un gars et qui s'appelle Scotty fait pipi comme une fille. Et ça le trouble un petit peu. Donc, vous voyez un peu le type de personnage, un écrivain un peu syndrome de la page blanche qui est angoissé. Et à un moment donné, son psychologue lui conseille d'écrire... Parce que bon, il se plaint de Scotty, il dit oui, mais il fait pipi comme une fille, il a peur des gens quand les gens l'approchent. Puis là, le psychologue lui conseille d'écrire une page, seulement une page, même si c'est pas bon, sur quelqu'un qui aimerait Scotty pour ce qu'il est. Donc, ça reste comme ça. Mais à un moment donné, il fait un rêve et il transforme ça plutôt pas quelqu'un qui aime Scotty comme il est, mais quelqu'un qui l'aime lui comme il est. Mm-hmm. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il se met à écrire comme un déchaîné, nuit après nuit, jour après jour. Il se met à écrire une histoire d'une fille qu'il aime comme il est, donc Ruby Sparks. Et le plus intéressant, c'est que cette fille se matérialise dans la réalité. Hein? Oh! Donc, oui, on a déjà vu ça dans d'autres films. Bon, c'est pas la première fois que le sujet est abordé, mais c'est de la manière dont c'est fait. Oui, elle se matérialise dans la vraie vie, mais lui, il croit pas, il pense qu'il est fou. Donc, c'est tout autour de ça, mais c'est aussi le fait que, bon, étant donné que c'est lui qui l'a écrit, il y a un certain contrôle sur elle. Donc, le film touche un peu à ce qu'il contrôle dans une relation amoureuse, donc le lien à l'autre, parce que lui a peut-être la possibilité de changer la fille. Donc, c'est toute cette question-là, mais c'est également la question de... ce que j'ai bien aimé, c'est le côté littéraire de la chose, comment on crée un personnage, comment on peut toucher ça, comment on peut... C'est quoi le processus de création? Donc, c'est ça qui est le fun dans le film. Il y a plusieurs manières de l'interpréter parce que moi, j'ai vu le côté littéraire. J'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est intéressant pour ça. Et j'ai d'autres amis à qui je l'ai fait écouter parce que je répands la bonne nouvelle. Sérieusement, je l'ai comme, oh, il faut que tu écoutes ça. Non. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et bon, il y en a d'autres qui ont vu plus le côté contrôle, le côté psychologique. Donc, c'est tout ça. Mais c'est, bon, c'est comme une comédie romantique. On se le cachera pas. Mais pas cheesy. Jamais cheesy. Jamais. Jamais. Jamais. Mais non, c'est ça, ça serait facile de tomber dans le cheesy, mais le film ne le fait pas. C'est vraiment bien fait. Et il y a Antonio Banderas qui joue dedans. Mais moi, je l'avais pas reconnu. Ton beau Tony. Ouais, je l'avais pas reconnu. Ah non? Parce qu'il a vieilli un peu, il a pris un coup de vieux. Est-ce qu'il a rasé sa moustache? Puis c'est... Mais non, il y a une barbe, mais il y a du blanc dedans. Okay. C'est trompeur, je l'ai pas reconnu pour c'est ça. C'est viril! Ah ouais. Hein? Mais non, c'est ça, je vous le conseille fortement. Ruby Sparks, qui est sorti en 2012, et Little Miss Sunshine, qui est sorti en 2006, donc des réalisateurs Jonathan Dayton et Valérie Faris. Et j'imagine que tu recommandes d'aller se renseigner sur les réalisateurs pour peut-être trouver d'autres films d'eux? C'est les deux seuls films. Les deux seuls! Ils ont fait deux films sur une période de 6 ans. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. Wow! Puis en plus, hey, moi, j'ai été étonnée et déçue. Parce que, bon, l'acteur qui joue Calvin, donc l'auteur, j'ai écouté le film et je voulais me marier avec lui, mais il sort avec l'actrice. Donc, ils sont un vrai couple dans la vraie vie. Traître. Mais j'ai lu un peu sur ça et j'ai vu que, bon, ils sont très différents dans la vraie vie que dans le film. Donc, c'est pas comme une mise en abîme, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est pas, ouais. Donc, le gars qui avait dans le film... Ils se représentent pas eux-mêmes dans le film, mais c'est des personnages très différents de leur vraie relation. Ouais. Ouais. Mais toi, étant donné que tu vas te marier avec le chanteur de Young Rival, peut-être que lui aussi, il accepterait la polygamie, que tu pourrais te marier avec les deux, et lui aussi. Ouais, mais j'ai demandé à Romain Duris aussi, j'attends la réponse. C'est n'importe quoi. Tu aimes un peu partout et un jour tu vas finir par récolter. C'est des blagues du seul, mais tu sais, bon, c'est un très bon acteur, puis il est pas laid, on va le dire. Ben ah, oui, on va se dire. Ça, tu me diras qu'est-ce c'est que t'en clair. Penses. Je m'en vais là. Non, Steph, tu me diras ça. C'est bon, écoute, c'est à toi le DVD. Oui, je vais te l'emprunter. Merci, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ben, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute parce que, sérieusement, ces deux films-là, coup de cœur. Assez facile à trouver. Ouais. Écoute, assez facile à trouver, je te le dis. J'étais pendant le temps des fêtes dans mon petit village de Saint-Félix-de-Valois et il l'avait au club vidéo. Hein? Oh! C'est là que je l'ai écouté pour la première fois. Cool. Mais en fait, Little Miss Sunshine, ça fait longtemps que je veux le voir. Mais on dirait que j'hésitais tout le temps. Et là, tu m'as vraiment convaincue. Donc, c'est certain que d'ici la semaine prochaine, je vais l'avoir écouté. Feel good movie, je te le dis. Super. Ça sent bien. Hey, hier, je me suis trouvé un jeu de mots, mais je sais pas comment l'insérer encore. Je sais que vous êtes un bon public aujourd'hui parce que les jeux de mots, on y répond à délai. Après avoir changé de sujet pendant deux secondes. On parlait de que ça serait le fun de pouvoir louer un chien. Dans la vie. Non. Mais j'aimerais ça, moi. Tu sais, juste en avoir une journée de temps en temps. Ça te remonterait le moral, te louer un chien? Non, mais moi, j'aime ça quand je descends chez moi la fin de semaine. J'emprunte le chien à mon frère. Good. Tu sais, je peux le flatter, puis là, je suis contente. Puis après ça, quand je repars, ben j'ai pas de chien à m'occuper. Ouais, quand il y a un problème, tu peux le refiler. Ça, c'est comme être marraine. T'as l'enfant quand ça va bien, puis quand... Oh, la couche est pleine! Tu peux le refiler. Ou ma tante, peut-être, aussi. Ouais. Quels avantages. Ouais. Donc, pour en venir à mon jeu de mots, c'est ça dans le fun. Si tu sais, vu que les clubs vidéo marchent de moins en moins bien, ça fonctionne plus, il n'y a plus personne qui se présente dans les clubs vidéo. Donc, il devrait ouvrir un super club vidéo chiot ou un super club vie chiotron. Pour des petits chiens. Du popcorn, puis. Ben. En tout cas, je t'avais dit hier que c'était mauvais, donc est-ce que tu veux que je te le redise aujourd'hui? S'il te plaît. C'est vraiment mauvais. Merci. Ben, je ne vois pas d'où ça vient. Il y a un club vidéo à Trois-Rivières, c'est presque ça. Tu sais, dans le quartier Sainte-Cécile, il y a comme le Dolora. Vidéo Dolor. Oui, c'est ça. Et à côté, il y a une animalerie. Oh, ça marche. Oh! Ou tu pourrais, à la place de chez Micheline, au Cap de Madeleine, Michioline. Michioline. Ou les pneus Michiolin. Tu veux des pneus, mais tu veux des chiens. Non. Moi, j'aimerais ça, avoir un chien à temps partiel. Fais pas très comme partiel. Si c'était pertinent, mon affaire. C'est pas pertinent. Non. T'as je comme l'air d'embarquer dans le... Mais non, mais moi, j'aimerais ça avoir un chien à temps partiel. C'est un fait. Voilà. Ça me fait un peu penser à Dani hier qui parlait au dîner de con des bars où tu peux aller flatter des chats. Oui. Donc, au Japon, entre autres, t'as pas vraiment l'espace pour avoir un chat chez toi. Donc, tu vas au bar et tu peux aller flatter des chats, t'occuper des chats, les nourrir. Après, tu retournes chez vous et t'as pas de responsabilité. Ça s'appelle « What's new, pussy flat? » OK. Wow, t'es la barouette! Flatte la chatte, OK. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner, Mathieu? Rien. Rien, c'est ça le problème. Voici « We are wolves » à Assemblage Requis. On vient avec Kinky Sexy Time, ça ira pas mieux pendant. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Je saurais faire le plan de demain à Assemblage Rocky, mais il est déjà préenregistré puis je peux pas comme le sauter. OK. Mais bon, en tout cas, je te vais donner la chance, mais on va faire comme si c'était live, OK? Le plan de demain à Assemblage Rocky. C'est comme une voix de robot là-dessus. Donc demain à l'émission, on est en onde toute la semaine de relâche, évidemment. David Ferron va nous proposer un petit reportage à tendance sportive. Il parlera avec Lauriane Dano, co-porte-parole du nouveau mouvement pour le Québec. C'est demain 7h à Assemblage Rocky. Soyez-y. Ça va être là pour la commandite. Marie-Pierre, go! Le service aux étudiants de l'UQTR. Ça marche pas. Prise 3! Mais c'est parce que là, tu me l'as pas dit avant. T'as pas fait 3, 2, 1. OK. Tu veux que je le fasse? Oui. 3, 2... Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Il est 8h36, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Marie-Pierre Laforge-Bourret, l'annonceuse officielle de l'émission. Je l'ai raté deux fois avant de le faire comme il faut. C'est pas grave, on a coupé au montage, ça a bien paru, je trouve que c'était professionnel au bout. Stéphanie Paradis là aussi. Oui, je suis toujours là. Oui, et les filles, c'est le moment qu'on attendait tous. Surtout toi. Surtout moi, je vous dirais, voici Kinky Sexy Time. Oh! Donc, Kinky Sexy Time, c'est la chronique pour public averti. Public plus ou moins averti, je dis d'habitude, ça dépend des faits. C'est sexuel un petit peu. On essaie d'y aller dans le compréhensible sans être vulgaire, en restant éducatif. On commence par le Cambodge. C'est le nom d'un pays, ça, Cambodge? Mm-hmm. Cambodia, en anglais. Les prostituées mâles, masculins, genre le contraire, femmes, hommes... sont plus nombreux que les prostituées femmes, femelles ou personnes avec... Au Cambodge? Au Cambodge. Le ratio est de 3 contre 1. Ah, ouais. 3 hommes pour une femme. Mais est-ce que c'est... est-ce que le public cible sont des hommes ou des femmes? Ah, ça, ça ne dit pas. C'est une bonne question. Tu vas faire des recherches? Non, je sais public pas. Public cible. Ben non, mais c'est vrai. Je veux dire, en général, c'est pas les femmes qui vont demander le service de prostituée, donc... Tout à fait vrai. J'aimerais savoir. Et on sait pas si ça paye mieux que dans d'autres pays non plus. Les femmes trouvent les hommes plus attirants lorsqu'ils remarquent d'autres femmes regarder ces mêmes hommes-là. Donc, tu vas trouver automatiquement un homme plus attirant si d'autres filles le regardent. C'est comme savoir que le gars est avec quelqu'un, ça t'attire plus vers cet homme-là. Je sais pas, ça de même. C'est pas le contraire? Je sais pas, non. Peut-être. Ben, je sais pas. J'imagine que ça va avec l'offre et la demande. Si un homme est en demande, son prix va augmenter et les femmes vont peut-être être attirées. Sa cote en bourse va... Bourse est à une sacoche. Ouais, ouais. L'offre et la demande, le public cible, c'est vraiment ça. On dirait que c'est elle qui a fait l'étude. Ah, tellement pas. Tu connais ça, tu connais ça. Une femme a déjà eu des relations sexuelles avec 919 hommes en une seule journée. C'est un record mondial. C'est dégueulasse. Wesh. Même pas le temps de la faire bouillir en sacoche. Pas tremper ça dans la cocotte minute. Cocotte est un euphémisme. Dans le vinaigre ou quelque chose. Là. Oui. Wesh. Bon, on sait pas avec quelle race. Là. Tu peux pas supposer de même, non. C'est une blague. Hein? Vinaigre, c'est une blague. Ah, OK, c'est pas raciste. Une mauvaise blague. Raciste, c'est ça. C'est bon. Les plus jeunes parents du monde avaient 8 ans et 9 ans. C'était en Chine en 1910. Je peux continuer? Arc? Arc, on reste dans le domaine. Je me demande ce qui est le pire entre celle qui a couché avec 900 quelques et les enfants de... Non, ben, je sais pas. Les deux m'écœurent, mais je pense que 909, c'est comme un peu dégueulasse. Là. C'est combien à l'heure, ça? C'est un peu dégueu. Comment on fait de calculer ça? Je suis tellement mauvais en maths. C'est 909 divisé par... Je veux même pas y penser. Mettons divisé par 24 heures pour commencer par le nombre d'heures. 909 divisé par 24, ça fait 37 par heure. Divisé par 60 minutes. C'est 1 aux 2 minutes. C'est 1 par 0,63. Là, je suis plus capable de comprendre. Non, mais honnêtement, ça doit être plus vite que ça. Tu restes pas comme réveillé 24 heures. Fait que j'ai l'impression que tu t'alignes le monde, puis... C'est un petit coup chat. C'est comme Bernard Adamus. Next! Loin de ton micro. Il dit ça, lui. Next. Non, mais il parle loin de son micro. Les hommes, en moyenne, vont avoir moins de 3 heures d'orgasme si on l'étale. Si on rassemble toutes les périodes d'orgasme de leur vie, dans leur vie au complet, ça fait 3 heures d'orgasme. Ah, oh, c'est pas tant. Pas tant. Les sapiosexuels, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sapiosexuel? Non, mais quoi? Sapiosexuel. Trip sur les sapins? Trip sur Marcel Leboeuf. Sapilé. Ouais, c'est pas vrai? Non. T'es tombé naïve! Ça se peut pas. Sapiosexuel, ça décrit une personne qui a une attirance forte envers l'intelligence de quelqu'un. Ah, ouais, oui, OK. Ce qui n'est pas le cas de Marcel Leboeuf, non, c'est une blague. Oh. Ouais, on le connaît même pas. Je sais, là, on fait de la diffamation. Des choses comme ça, Mathieu. Je sais pas, je vais me faire, hein, je vais me faire enlever mon émission. Les niveaux de testostérone d'un homme vont augmenter de 45% après 7 jours sans éjaculer. Sans se rendre. Ah, c'est pas bon, 7 jours, là. C'est un peu long. 45%. les hommes qui sont stressés ont tendance à trouver les femmes plus dodues, plus attirantes. Hein? Selon une étude... Les hommes qui sont stressés vont trouver les femmes qui ont plus de poids, plus attirantes. Je sais pas si, vu qu'ils sont stressés, leur niveau de... leur barème, de, je sais pas. J'essaie de trouver des raisons, je sais pas. Mais ça peut être attirant aussi, des femmes plus rondes, là. Tout à fait. Non, mais c'est ça, exactement. Mais ça absolument, reste là. Tout à fait très attirant. Mais les hommes plus stressés, selon une étude, ça va augmenter. Mais je vois pas le lien entre stress et doduesse. D'audacité, excuse-moi. Je vois pas le lien. D'audacité. D'audacité. D'audacité. On a trouvé le mot, je pense. Je sais pas, mais je ne fais que lire les données de l'étude. Ah non, je sais pas. J'essaie de trouver un lien. La porn star Jenna Jameson ne veut pas avoir de relation anale à la caméra. Elle veut faire ça qu'avec des hommes qu'elle aime et ne veut pas se compromettre en ayant des relations anale. Mais le reste, c'est bien correct. Hein? C'est standard. Bon, moi, tu sais... Ah oui, non, le gars, ils sont en plein de bander dans le cheminement. Mais non, mais c'est correct, elle se garde un petit quelque chose pour elle, tout petite ça. Petite Jane, hein? Petite Jane. C'est une bonne personne. Jane Jameson. Ton corps va pomper en moyenne... Va brûler. Mais voyons. J'ai dit pomper, je sais pas. Je revenais à Jane Jameson qui était avec un gars en train de se pomper. Donc, ton corps va brûler en moyenne entre 3 et 6 calories lorsque tes tétines deviennent solides plus dures. Pourquoi je me suis censuré ça? C'est tellement le fait le plus bizarre de la planète. Effectivement. Mais qui calcule ça? C'est ça, j'allais dire. Qui a pensé que ça pouvait brûler des calories? C'était le fun de savoir combien. Fait que bref, si t'es CEO, tu peux brûler environ l'équivalent de 2 gommes ballons. C'est ça. Tu comprends? Wow. Les gens qui sont en relation sont souvent, selon l'étude encore une fois, sont souvent plus heureux que ceux qui sont célibataires. Les gens en relation sont plus heureux que les gens célibataires. Et carrément donc? On est deux contre un ici, célibataire versus... Ouais. D'ailleurs, les gens qui sont plus heureux ont tendance à réussir à tenir leur relation plus longtemps. Selon une même... Ben, je sais pas, c'est la mais même étude. Ben non, c'est ça. Ça veut dire que c'est un peu un cercle. Mais si t'es heureux ailleurs dans ta vie, tu vas avoir moins de misère à tenir ta relation plus heureuse aussi, j'imagine. Mais c'est sûr, si t'as l'air bête, qui a envie de rester avec toi? Tu sais... Personne. C'est logique. C'est ça, là. Personne. C'est le problème, là. Une autre étude. Ils en font-tu, les études, hein? Hey, l'enfer. Ils en font. Il y en a bien qui ont du temps à perdre. Puis c'est pas la source du tout, là. Fait que je sais pas où aller voir le reste de l'étude, hein. Les études récentes montrent que se câliner, se coller, se serrer, OK, ça baisse les niveaux de cortisol dans le corps, ce qui est une hormone de stress qui va souvent interrompre un sommeil, le sommeil de la personne. Donc, si tu te colles, tu vas avoir tendance à dormir mieux. Mais moi, j'avais entendu un truc. Si tu faisais un câlin pendant 30 secondes à quelqu'un, il se passait quelque chose. Oui. Oui, je pense que ça avait rapport avec les ocytocines. C'est tout ce que je me souviens de ce que j'avais dit. C'est le seul mot de la chronique. En tout cas, c'était bon. C'est ce que je me souviens. Moi, je pense que ça prenait 20 secondes et là, ton corps va sécréter des ocytocines. T'es détendu ou quelque chose comme ça. Ça fait du bien. Hey, on fait ça tantôt, Steph. On va faire un gros câlin et on va être bien. Puis-moi là-dedans. Ben, on se fera un gros câlin à trois. Okay. Si on change de sujet pour parler de quelque chose qui sécrète, t'as dit le mot sécrété, du bacon, ça sécrète du gras. J'ai-tu dit sécrète? Je sais pas. l'orgasme d'un cochon va durer 30 minutes. Wow. Peut durer. Plus que les 3 minutes des hommes pendant toute leur vie. Ouais, en effet. Ben, félicitations. Hein. Si on inclut les préliminaires, l'expérience sexuelle moyenne va durer 39 minutes chez l'humain. Oh, 39? 39. La relation, incluant les préliminaires, là, on s'entend qu'une fois inséré, là, la transaction est assez... Là. Ça, on a déjà parlé. l'équivalent féminin de Morningwood. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Non, ça me dit non? rien. Tu le sais, t'écoutes ces chroniques-là tout le temps. C'est la seule que t'écoutes? l'équivalent pour une femme du Morning Wood. Ça, c'est avoir une érection le matin en te levant. Là. On appelle ça Morning Dew. C'est la... Comment t'appelles ça sur le gazon? La rosée. La rosée du matin. Oh. Pour les filles. La rosée du matin. Il me semble que c'est plus beau et poétique. Délicat que... Que humide dans le verre. Ouais, non, que Morning Wood. Okay, ouais, Morning ouais. Wood. Malaise. Mm-hmm. Malaise. Ah ouais? J'ai fait un malaise moi-même, mais personne n'a compris, donc je suis comme juste passé au suivant. Le premier couple à être montré à la télévision dans le même lit, c'était en prime time. Là, il y a beaucoup de critères. Le premier couple à être montré au lit ensemble, en prime time, à la télévision, c'était Fred et Delima des Pierres à Feu. Fred et Wilma Flintstone. Beau petit couple, ça. Avant d'être un vrai couple, là, c'était vraiment un couple en dessin animé. Oui, ils sont cute, ils vont bien ensemble. Ça dure longtemps. C'est depuis le temps. Là. Ils font encore des films, je pense, c'est ça? Il me semble, sur DVD. Les hommes ont deux fois plus de chances d'utiliser les médias sociaux après les relations sexuelles qu'une femme. Donc, l'homme va sauter sur Facebook après avoir fait des choses avec une femme. Pourtant, j'aurais pensé qu'il le fasse c'est un peu poche, avant ça. Pour se donner du matériel. Hein? Oui. Mais c'est un peu poche, tu sais. Tu finis, puis après ça, il se lève, puis il s'en va sur Internet. Checker les popoules. Mais oui, je sais bien. Je sais pas. Pour se vanter. Moi, j'aimerais durer 39 minutes. Moi, j'aimerais mieux qu'il aille sur Facebook aller fumer une cigarette. Il y a ou, ça. Ou s'endormir sur toi. Toujours le fun. 62% des gens pensent qu'il n'y a rien de mal dans avoir des affaires extra-conjugales. 62% des gens pensent qu'il n'y a rien de mal à se tromper. Mais 62% ou quel contexte? Pas dit. C'est quand même beaucoup, peu importe où la... C'est beaucoup trop élevé. On parlait de cigarettes il y a quelques secondes. Les cigarettes et les pantalons serrés sont les plus les causes les plus importantes d'impotence chez les hommes. Les pantalons serrés et la cigarette, c'est ce qui rend les gens impotents. Ben, coudon. Very important person. VIP, you know. Ben, une chance que ça fait pas la même chose chez les filles. J'aurais retiré mes pantalons. Là, je change le fait. OK. 58% des gens parlent dirty pendant les relations. 58% de dirty. 60% des hommes et 50% des femmes ont eu une aventure d'un soir. Là, j'y vais en rafale ici, là, si vous m'interrompez quand ça vous tente. La viande rouge a quelque chose de chimique dedans qui va augmenter les niveaux de dopamine et de norépinéphrine. Ce qui va influencer la libido. Donc, la viande rouge a quelque chose de chimique dedans qui va influencer ta libido, ça va l'augmenter. Ah ouais? Ça donne envie de mordre d'un cochon, non? Viande rouge, c'est quoi? C'est un bœuf? Ben, c'est... Ouais. Ben, bœuf, cheval. Douchebag. Je sais pas si ça, autruche et canard compte là-dedans. Bonne question. C'est de la viande rouge, officiellement? Je sais pas. 50% des hommes pensent que leur appareil est trop petit, alors que la plupart des femmes sont satisfaites de la grosseur de l'entrejet. Bon. De leur... Pas pire, hein? On voit pas que les hommes paniquent pour rien. Ah, tellement. Le testicule gauche est souvent plus bas que celui de droite. On avait déjà dit pourquoi dans Kinky Sexy Time, à un moment donné, on avait dit que c'était pour que quand on court, ça ne se chevauche pas. Ça permet aussi aux hommes de croiser les jambes. Exactement. que de points positifs. Donc, le testicule gauche est souvent plus bas chez les droitiers. Alors que le contraire est vrai pour les gauchers, ça va être le testicule de droite. L'effet miroir. Chez les jumeaux, j'allais dire jumeaux-jumelles, mais jumeaux slash jumelles hermaphrodites slash ce que vous voulez. Qu'est-ce qui dépend de quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Mm-hmm. Est-ce que le testicule est plus bas parce que t'es gaucher? Ouais, ou gaucher c'est parce que t'es gaucher parce que... Excellente question. Oh, ah! La poule ou l'œuf? Non, mais... Ou l'enveloppe, ou Guy Mongrain, ou Jean-Luc Mongrain. On sait pas. On pourrait faire une étude là-dessus. Selon le Smell and Taste Treatment and Research Foundation, la fondation de la recherche et du traitement du goût et de l'odeur, les hommes sont excités par l'odeur de leur nourriture préférée en train de cuire sur le rond ou dans le four. Donc, mettons que t'aimes beaucoup de pâté à la viande. Chouing! Je l'ai toujours dit, on va chercher un homme par l'estomac. Et voilà. J'avais raison. Ma grand-mère avait raison. Ah. Hey, saluons... Merci grand-maman de Stéphanie. Moi, j'allais dire Gisèle. Non, Solange. Elle me le dit dès le départ. Ah. Je vais continuer. Donc, Gisèle... Essaye de trouver mon nom de grand-mère. Ça, tu le trouveras jamais. Je vais essayer les miennes aussi. C'est Gisèle? Non. C'est Gisèle? Non. Simone? Non. Marielle? Moi, c'est des noms composés que je peux te donner un indice. Moi, il est très court. Et c'est quelque chose en latin. Colombe, Columbus. En latin? Il n'y a pas de colombe? Il n'y a pas de... Non? Pas de... Non, non, plate, non. Ça, non, non. Marie-Ange. Marie-Ange, c'est bien. C'est beau. Ah, ben c'est pas loin de colombe. Oui, en effet. Ça, pit, pour pit, ça, hein? Je te l'ai dit. Pit, on l'appelle. Pit. Je l'appelle Pit. Ça a des ailes et des plumes. Toi? Stella. Oh! C'est une étoile. C'est dommage cute. C'est beau, hein? Oui. Oui. Bon. Moi, c'est pas très original. Marc-Claire, Marie-Ange. Ça, ça va dans le même. Ils ont des mes grands-pères s'appellent Albert. Les deux! Albert et Albert, ils devaient s'ouvrir une firme. Pour vrai, mon autre grand-père, vous ne pourriez pas le trouver non plus. Je trouve ça vraiment cool. Jean-Nille. Jean-Nille. Nille comme le fleuve. J'aime ça. C'est ça que quand j'ai entendu Jean-Philippe Curpip, ça voulait dire Jean-Philippe. Il dit la pub d'Assemblage Requis, on se rappelle. C'était ma mémoire. Jean-Philippe Curpip. Il nous en reste encore quelques-uns. On prend le temps de les finir. On a le temps aujourd'hui. Après ça, ça va être un fait édition spéciale linguistique. Oui. Mais pour l'instant, les veuves noires. L'araignée, non pas les afro-américaines qui ont perdu leur mari récemment. Donc, les veuves noires vont manger leur petite amie après les relations sexuelles. Et ils peuvent manger jusqu'à 20 amoureux, 20 amoureux, je dirais même, en une seule journée. Ça coûte presque la fille. Hein? Pas pire, hein? Pas pire. On les encourage, bravo. Ça et aussi les Afro-Américaines qui ont perdu leur mari récemment. Je vous fais ce que vous voulez. Environ 100 millions d'actes sexuels ont lieu chaque jour dans le monde. 100 millions d'actes sexuels dans le jour. Bon. Tous les seins... On parle de poitrine ici. OK, je savais pas si c'était religieux ou... Parle pas là-dessus. Tous les seins ont le même nombre de nerfs... comment on appelle ça? Des nerve endings, les termes médicaux. Moi, terminaison nerveuse. Donc, les seins ont tous le même nombre de terminaisons nerveuses, peu importe leur grosseur, leur grandeur. Fascinant, n'est-ce pas? La bière est presque aussi acide qu'un entregent féminin. C'est un pH d'environ 4,5. Qui a calculé ça? Il y a vraiment du monde qui font des drôles de choses dans la vie. Je sais pas, il y a des gens qui avaient des affaires pour leur piscine, puis ils ont fermé leur piscine pour l'année, ils ont mis ça dans l'air. C'est super intéressant à savoir, comme ça, la prochaine fois qu'on va se verser une bière, on va savoir que ça va pas déranger le pH. C'est ça. Je fais ça tous les jours. Moi, je m'imagine vraiment le gars proche de sa piscine, puis dire « Hey, j'ai une bandelette ici, puis du liquide dans l'autre main. Tente-tu de faire quelque chose avec moi? » Non, c'est le fun. C'est le fun. Le Brésil performe des opérations de changement de sexe gratuitement parce que c'est reconnu comme un droit constitutionnel de changer de sexe. Ah, mais c'est tant bon, mieux, ça. Tant mieux. Les hommes ont en moyenne 11 érections par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est très réaliste. Environ 10% des gens, selon un sondage, admettent texter pendant les relations sexuelles. 10%, presque 10% des gens, là, on ne précise pas les gars, mais ils textent pendant les relations. Comment peux-tu faire là, ça? C'est bien cheap. Sans te faire voir, en plus. Ben, je sais pas, peut-être que tu textes ton conjoint, puis il est c'est bon. Trop loin. Ah, plus encore. Oui, tout à fait. Pendant l'ère victorienne, en Angleterre, les docteurs conseillaient les femmes, en fait, ils leur disaient de percer leur chin pour rendre l'allaitement plus facile. C'était plus facile, selon eux, de... d'allaiter avec les aisselles percées. Mamelon. Ben oui, c'est très agréable. Tout de suite après avoir été percé, d'allaiter. Why not? Il nous en reste trois. L'hypéphilie. L'hypéphilie, ça décrit quoi, ça? L'hypéphilie. Quelqu'un qui tripe sur les lipides, le gras. OK, ou encore les adresses IP des ordinateurs. 122. L'hypéphilie. Ça doit être ça. L'hypéphilie, ça décrit une personne qui est excitée en touchant des tissus. Des tissus. Je sais pas si c'est des tissus nerveux. Un petit peu, on s'en est dans le même sens. Ça doit être des tissus comme du coton, velours, là, comme ça. Ou des... La soie. Je suis pas correct dans mes jeux de mots aujourd'hui. Je retire toutes mes paroles à la fin de l'émission, OK? Vous me rappellerez de retirer mes paroles. Mais un tissu, c'est... J'ai peur. Stéphanie, c'est pas ça. Mais moi aussi, je suis stressée, là. C'est un nain qui sécrète. Bon, Colin. Hein? Un tissu. Je l'ai pas compris. Un tissu. Il est tissu. Les petits, un nain qui s'écrase du. Tu peux passer à la prochaine, Mathieu. Hey, d'accord. Pour vrai, c'est là que j'ai rien entendu. Tu devrais l'enlever pour vrai. Je pense l'enlever du montage. l'hôtel Drake à Toronto. Menu de service aux chambres qui s'appelle le Pleasure Menu. Ils sont partenaires avec un magasin d'objets sexuels pour adultes. Parce qu'il n'y a pas de magasin sexuel pour enfants, ce que je sais. Voilà qui est rassurant. et on peut commander n'importe quoi sur le Pleasure Menu, donc menu du plaisir. Justement, je m'en vais à Toronto demain. Tombe bien. Hey, tu nous en reparleras. Ben oui. Superbe. Et pour terminer, ben en fait, ça revient pas mal à celui qu'on a fait plus tôt dans la chronique, donc je laisse sauter, mais je vais le faire vu que j'en parle. L'éjaculation féminine n'est pas un mythe. Les femmes éjaculent d'une façon très, très similaire à du sperme. C'est équivalent ou presque chimiquement à du sperme. Eh oui. Ben, coudonc. Ben, je pensais que c'était différent, mais je l'ai pas. Pas différent. Pas d'autre. Ouais. Voilà pour Kinky Sexy Time. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je trouve que c'était efficace. C'est plaisant. Moins, ça m'a duré moins que 29 ou 36 ou 39 minutes. C'était quoi tantôt? 39. 39 minutes. Vous écoutez plus que moi. Dans quelques secondes, ce sera C'est un fait, édition linguistique avec Stéphanie Paradis. Mais pour l'instant, ça fait combien de fois que je regarde? C'est quelle pièce? Ça fait 3 fois que je regarde, c'est la 10. Voici Anne Dorval de Rouge Pompier. Après ça, ben, Stéphanie. Hein? Oui. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé achetée dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que pite de chambre en ville, c'est une nouvelle. Pompier et Anne Dorval à Assemblage requis. Maintenant, c'est un fait. Et pour présenter C'est un fait, la collègue des choses véridiques, véritables et vérifiables aujourd'hui, invitée spéciale Stéphanie Paradis. Hey, je suis toute énervée, j'ai la toune officielle. Oui! Yeah! Je te laisse parler, Stéphanie. Je vais essayer de pas trop te faire honte. Ben non, t'es bien mieux. Oh! OK, donc, petite édition linguistique. On parle de langue française. Premièrement, si vous savez, c'est quoi un palindrome? Mot qui se lit à l'envers. C'est ça, donc, c'est un mot qu'on peut lire du début ou de la fin. Par exemple, Laval. Oui, ça, c'est un simple. Hein? Hein? C'est très simple. Ben oui, c'est simple, mais maintenant, je vous présente le plus long palindrome de la langue française est ressassé. C'est pas si long que ça, mais c'est beau. Ben, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est pas évident, un palindrome, là. 9 lettres, ouais. Il y a des livres écrits au complet en palindrome. Faut-tu être fucké? Ça doit pas raconter grand-chose, hein? Non! Ça doit être, non, effectivement, ça doit être assez difficile. Puis livre, on parle d'un petit livre. Aucune idée, j'ai aucune idée de la longueur du texte. Ensuite, squelette est le seul mot masculin qui se finit en « et ». Oh! Mm-hmm. Intéressant, c'est vrai. Mm-hmm. Ensuite, le mot « institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e », c'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». OK, donc lipogramme, tu peux appliquer ça à n'importe quel mot qui n'aurait pas de « u », mettons, ça serait lipogramme de... En « u », mais c'est moins impressionnant qu'en « e ». Mais en « e », il y a un livre aussi qui est en « La disparition » de... C'est de Pérec? Oui, je pense que c'est ça. Donc, tout le livre est écrit sans la lettre « e ». Ça, c'est très impressionnant. Je pense que c'est Pérec. Je pense que pas mal certaine. Donc, il y a des « e » dans le titre du livre. Ouais. Gros fail. Hein? Ça reste... Oh, j'aurais... Non, il aurait vraiment dû changer de nom. Se prendre un petit nickname. Ensuite, l'anagramme de guérison. Soigneur. Ah! C'est cool. Anagramme, c'est mélanger les lettres. Donc, on prend les lettres de guérison et ça nous donne soigneur. Mm-hmm. J'aime ça. Très bon. Ensuite, le mot « ou ». Mais « ou » avec un accent. Là. Ouais. Bon, « ou » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Sérieusement, il y a une touche sur le clavier « u » accent grave. Je la vois juste là. Ben, moi, je ne l'ai pas parce que je pense que j'ai le clavier en anglais. Mais ils ont vraiment fait une touche pour un mot. Pour une lettre. Une lettre. Pour un mot. N'importe exactement. Quoi. N'importe quoi. Ben, oui, on aurait pu juste peser sur l'accent. Mais en fait, le clavier français, t'as vraiment comme le « accent, accent grave » suivi. Et... Ben, c'est ça, tu fais l'accent grave et la lettre, alors que sur, mettons, un Mac, entre autres, il y a un « e » accent grave et un « a » accent grave. Chaque lettre a sa touche, vu qu'on n'a pas tant que ça. Ouais. Ensuite, le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe »,« 14 », »,« 15 », »,« pauvre », »,« meurtre », »,« monstre », »,« belge », »,« goinfre » et « larve ». Fait que ce sont des mots qui rimeraient en « pleu » ou en « imple ». C'est ça, ça peut rimer en « pleu », mais honnêtement, c'est pas une rime très riche là, en non. Pleu. Donc, c'est ça. Donc, simple en imple, ça rime pas. Ensuite, un autre anagramme. L'anagramme du mot endolori. Indolore. Ce qui est assez paradoxal. Okay. Ensuite, les mots délice, amour et orgue ont une particularité. Celle-là, je la connais. Oui, ben moi aussi, celle-là, je la connaissais. Donc, délice, amour et orgue. Orgue. Orgue. Et non, orgre. Donc, quand c'est singulier, ces mots-là sont masculins. Mais à la forme plurielle, ces mots-là deviennent féminins. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que, mettons, les restaurants qui s'appelleraient, mettons, les délices glacés, ben les délices de, glacés, ça devrait être avec un E. Donc, ça existe pour vrai, c'est au coin Bellefeuille. C'est toi qui m'avais donné l'exemple. Donc exactement. Je prenais pas le crédit, mais c'est ridicule parce que c'est vraiment une des délices, plusieurs délices, là. Oui, c'est féminin. Un délice, des délices glacés. Ouais. Exactement. Amour, mais, c'est beau aussi. Oui, comme mes amours mortes. Mes amours mortes. C'est beau. C'est une belle particularité. Ouais. Oui. C'est comme avec le mot Jean. Si t'as un adjectif qui est placé devant, il va être féminin, mais après, il va être masculin. Comme donc, Jean, mettons un gars qui s'appelle Jean? Non, Jean, les gens, G-E-N-S. Okay. Ah. Donc, on va dire les bonnes gens, oui. Mais les gens bons. C'est drôle, les gens bons. Ben oui. Donc, ensuite, et finalement, en fait, c'est le dernier. Le mot oiseau, avec 7 lettres, c'est le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres. Donc, le O, le I, le S, le E, A, U, X, on prononce pas ça. Donc, c'est le son oua, le son Z, le son O. Ben, le son oua, ça commence par OI, on les prononce? Mais c'est le son oua, c'est pas le son O ni le son I. Ah. Là, on parle d'alphabet phonétique. Zo, le S. Le S, ben, le symbole Z. S, on prononce Z. Ensuite, E, A, U, on prononce pas ces lettres-là, ça donne ensemble le son O. Puis le X, on le prononce pas. Wow! Et ensuite, ben oiseau, c'est le plus petit mot de la langue française contenant toutes les voyelles. Et là, bien entendu, on ne compte pas le Y, qui est une semi-consonne, en fait. Un wannabe ou un voyelle. C'est ça. Ou une voyelle. Wannabe. C'est ça. Wannabe. Et bien, c'est ça. Merci, Stéphanie. Réussi. Ouais. Hey! C'est le fun, ça, savoir des choses comme ça. Deuxième position. Ça t'a fait? Non. Derrière toi? Tu l'as même pas fait aujourd'hui? Ben non. Ben il a fait un kinky. Qui est comme une série sœur. Sa sœur. Une sœur jumelle. Kinky. Ben oui, hein? Évidemment. Yeah. Uh-huh. Voilà. Merci, Steph, pour cet effet. Hey, ça fait plaisir. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et Colin. Ah, déjà qu'on a eu du plaisir aujourd'hui. On remercie Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça fait plaisir. Ça faisait un petit bout et c'était très agréable. On te retrouve aux deux semaines. Oui. Les mercredis à 8h. Oui, puis voilà. Dans deux semaines, je vous parle également d'un film. Super. Ben, Stéphanie Paradis, merci beaucoup aussi. Mais ça fait plaisir. Toi, on te retrouve jeudi après-midi au Palmarès C'est fou. Oui. Entre 15h et 18h. Sinon, ta chronique est tous les mercredis à 7h30. Et la semaine prochaine, c'est les petits bonheurs. Oh yeah! Reste à l'écoute, le dîner de con s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, des émissions que vous avez ratées, comme le voyage insolite et pas mal ça, finalement. Ensuite, on a encore une reprise d'album classique à ce moment-là. Et je pense que 15h, c'est la nouvelle émission dans mes écouteurs, suivie à 16h de rap avec Rap Fusion. 17h, le Big Mac Show. 21h, électronique avec Psy Trans. Et 22h, c'est Transformer. Allez voir cif.ca pour la programmation complète et passez par assemblagerequis.com pour les balado-diffusion et les notes de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct pendant l'émission. 819-376-5183. Courriel assemblagerequis@gmail.com. Facebook.com/assemblagerequis. Twitter.com/assrequis. Et on se quitte avec une pièce de Rouge Pompier. Paquet de choses. Paquet de choses. On vous en souhaite un paquet de bonnes choses pour la journée d'aujourd'hui. Ben, bonne journée. Profitez-en. Salut. Salut. Bon, je vais mettre la bonne cette fois-ci, merci. Bye, là. Oh, il y a les petites mouches qui me courent après. Peut-être parce que je pue! Non, laisse faire. Long, long, quand on a pas besoin d'appart ou de part. La route est longue.